Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 26. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Nous vous invitons aussi à vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Bruns, EELB.SU, où vous pourrez discuter de différents sujets, y compris religieux d'ailleurs, mais dans un cadre très strict, comme je pense que les participants l'auront relevé. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire en nous faisant des dons en crypto-monnaie. Nous utilisons la crypto-monnaie Monero. Tout est expliqué à droite sur le site de Démocratie Participative. Il y a un guide explicatif. C'est assez simple, somme toute. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez envie qu'on puisse continuer, n'hésitez pas. Nous avons reçu, une personne nous a écrit cette semaine pour nous signifier un don. Bonjour chers amis, je vous fais parvenir mon don trimestriel de 1,088 Monero qui pourrait servir à payer quelques mètres de fil de fer barbelé pour la frontière de notre future patrie de Bourgogne blanche. L'envie d'évoluer sur une terre peuplée de ses semblables devient de plus en plus pressante à mesure que la négrification s'amplifie. J'étais parvenu à quitter l'enfer racial de l'Île-de-France pour m'installer dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Val-de-Loire, peuplée intégralement de blancs. La ville comptait bien une zone sensible, mais le cloisonnement fonctionnait ainsi depuis près de 50 ans. L'invasion du centre-ville par des métèques a commencé avec l'arrivée des migrants de la jungle de Calais, principalement des Afghans et des Syriens. Depuis, c'est un flot continu de nègres qui débarque d'on ne sait où depuis environ 2 ans. À tel point que cela devient difficile de croiser autre chose dans les rues qui étaient intégralement blanches il y a encore 5 ans. Bonne émission et merci pour votre travail. Longue vie à Gandalf et à toute l'équipe. Et c'est signé FL. On le remercie puisque c'est un mécène, c'est un donateur régulier. Donc merci pour ce message. Si vous nous faites des dons, vraiment n'hésitez pas à vous manifester et qu'on vous remercie en ligne. Si vous préférez vraiment faire ça dans l'anonymat le plus total, c'est très bien aussi. Vous avisez, mais n'hésitez pas en tout cas si jamais vous avez envie de nous le signifier. Et si vous avez aussi des témoignages sur telle ou telle question, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je serais peut-être assez curieux d'entendre parler du monde du béhour. Vous voyez, les sports comme ça, les sports un peu identitaires. S'il y avait des gens qui pouvaient témoigner, ce serait bien. On en avait reçu un une fois, mais j'avais pas pu le passer. Donc, si jamais, il y a des gens qui connaissent, ce serait pas mal d'en parler. Et puis, d'une manière générale, voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Hein. Alors, je procède maintenant à la présentation des membres de la semaine, de nos participants. Donc, je vais commencer avec Pierrot. J'espère qu'il va bien. Je pense que oui. Salut Gandalf. Salut à tous. Je vais très très bien. J'ai la patate aujourd'hui. Ah bah c'est très bien, formidable. MacDav aussi est avec nous cette semaine. MacDav souffre de la chaleur en fait. Oui, effectivement, je suis un petit peu comme un ours polaire, moi, dès qu'il commence à faire chaud, je deviens léthargique. Ouais. Effectivement. Je te comprends. Fulbert est avec nous aussi cette semaine. Je ne sais pas quel temps il fait par chez lui, Fulbert, mais j'espère qu'il va très bien aussi. Ah, tu vois très bien, la météo est dégueulasse. Mais bon, bonjour à tous et bonjour à toi, Gandalf. Diabolix est avec nous aussi. J'espère qu'il va bien, Diabolix. Super califragilistique extra ligocius. Ah, d'accord, ok. Je devrais me renseigner hein, sur ce que ça veut dire, mais d'accord. Mary Poppins. D'accord. Derek, enfin, est avec nous. Le cardinal nous fait le plaisir d'être là, comme toutes les semaines. Comment va-t-il ? Eh, écoute, le cardinal va bien. Tout heureux de voir que la ville de Paris se dote enfin d'une... Ah ! Oui. D'un ministre à l'agriculture ? Oui, d'un ministre, donc on a un adjoint à la maire, Anne Hidalgo, qui est maintenant Audrey Pulvar, adjointe à l'agriculture. Donc, ouais. Nous attendons impatiemment le développement de la bananerie du jardin des plantes pour y faire travailler les nègres, enfin. Ah, enfin ! Oui, la bananerie, oui, enfin travailler les nègres. Oui, enfin. Travailler les nègres ? Un peu de coton, quand même. Oui, c'est un concept tout à fait novateur. Personne n'a essayé. Ça pourrait peut-être marcher. Est-ce qu'on pourrait avoir du coton aussi ? Est-ce que ce serait jouable ? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Bon, t'es ouvert aux suggestions, c'est positif. Hein, tout à fait. Faire travailler les nègres à l'heure de l'intelligence artificielle. Bon, c'est un... Ah, c'est beaucoup plus ambitieux. C'est archaïque. Hein, c'est... Ah, c'est ambitieux. Rubrique numéro 1, chers amis, c'est autisme radical. Alors cette semaine, ça rejoint un peu d'ailleurs, comment dirais-je, ton apostolat, cher Derek, et tu vas voir de quoi je veux parler. Un peu. Oui, c'est même totalement ça. Ça c'est un article du New York Post, donc qui est traduit hein, en français. Je vous le lis tout de suite. Alors, l'une des plus anciennes églises de Grande-Bretagne rend hommage au mouvement Black Lives Matter en installant une version du dernier souper de Léonard de Vinci avec Jésus transformé en prophète noir. Baptisé le dernier souper, la réinterprétation de l'œuvre originale du XVe siècle a été réalisée par la peintre britannique Lorna May Wadsworth, qui a engagé le modèle jamaïcain Tafari Hinds pour qu'il se fasse passer pour le fils de Dieu. Le tableau sera installé sur l'autel de la cathédrale de Saint-Alban, dans le Hertfordshire, une initiative de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. L'Église n'est pas en position de force pour prêcher aux autres la justice raciale ou autre, a déclaré récemment le révérend docteur Jeffrey John, doyen de Saint-Alban. Mais notre foi enseigne que nous sommes tous faits égaux à l'image de Dieu et que Dieu est un Dieu de justice. Il a ajouté que l'Église a transformé l'autel parce que les vies noires comptent. Pour réconcilier des siècles de colonisation européenne, Welby a récemment demandé aux responsables de l'Église d'Angleterre de méditer sur la forte probabilité que Jésus-Christ de Nazareth ne soit pas blanc. Il est allé plus loin en mettant les fidèles au défi d'accepter les nombreuses représentations de Jésus, quelle que soit l'ethnie du Messie. Jésus était moyen-oriental, pas blanc. Il est important que nous nous en souvenions, a tweeté l'archevêque samedi. Mais le Dieu que nous adorons en Christ est universel, a-t-il poursuivi, et l'espoir qu'il nous offre est une bonne nouvelle pour nous tous. L'œuvre controversée de Wadsworth, achevée en 2009, est devenue un symbole de résistance auprès des Vandales, après que des Vandales aient utilisé un fusil à plomb pour défigurer l'œuvre. Les experts s'accordent à dire qu'il aurait très probablement eu des caractéristiques moyen-orientales, en parlant du Christ. Pourtant, depuis des siècles, les artistes européens ont traditionnellement peint le Christ à leur propre image, a déclaré Wadsworth. Elle a expliqué que son intention était de faire remettre en question le mythe occidental selon lequel il avait les cheveux blonds et les yeux bleus lorsqu'elle a fait poser Hinds en Jésus. Mon portrait de lui est tout aussi exact que l'idée reçue selon laquelle il ressemblait à un Florentin, a-t-elle poursuivi. La cathédrale Saint-Alban, qui date du 8e siècle, a déclaré que la réplique réimaginée ne remplacera pas la copie de l'œuvre originale de Da Vinci, qui est également accrochée dans l'église. Dans une interview accordée mardi à la BBC. Il a demandé à l'archevêque si la manière dont l'Église occidentale dépeint Jésus doit être repensée, selon le Daily Mail. Bien sûr que oui, a-t-il répondu. Vous allez dans les églises, donc à travers le monde, et vous ne voyez pas un Jésus blanc, a-t-il dit, donc l'archevêque. Vous voyez un Jésus noir, un Jésus chinois, un Jésus du Moyen-Orient, ce qui est bien sûr le plus exact, vous voyez un Jésus aussi fidjien. Welby a expliqué que son intention n'était pas de supprimer les traditions passées, mais de promouvoir l'universalité du Dieu qui est devenu pleinement humain. Alors, c'est assez audacieux comme concept avec cette nouvelle imagerie, je dirais. Alors, messieurs, vous avez eu le loisir de contempler cette œuvre. Est-ce qu'elle vous inspire? Et plus généralement, qu'est-ce que vous avez envie de dire de ça? Écoute, ce n'est que justice. Enfin, donc là, c'est l'Église anglicane, hein, l'archevêque de Canterbury se convertit à la vraie foi. Donc, bon, ben c'est un progrès. Nous attendons les autres. L'évêque de Rome, Bergoglio, va bientôt, je pense, clarifier les choses. Tu veux dire qu'il a été atteint par la grâce de l'Éternel, c'est ça? C'est spécial. Bah pour lui, non, il y a du mal que le nègre. Hein. Ouais, c'est assez spécial comme théorie complotiste. Mais cet archevêque donc, de Canterbury, qui représente l'église anglicane, hein, je ne suis pas spécialiste. Tout à fait, c'est ça. Dans le truc des schismatiques anglais, mais donc c'est une conversion officielle de l'Angleterre au nègre. Hein. Donc, Jésus, c'est George Floyd. Enfin, la Trinité, il y en a maintenant 4. Il y a George Floyd, Jésus, le Père, le Saint-Esprit. Voilà. C'est une nouvelle matrice avec laquelle il va falloir faire. Alors, je dois quand même préciser un truc que vous ignorez peut-être, mais c'est que Justin Welby, donc, qui est l'archevêque de Canterbury, est d'origine juive. Ah, tiens. Oui, d'origine juive. C'est un hasard. Son père s'appelait Gavin Welby, et qui était le fils, qui était né sous le nom de Bernard Gavin Weiler. C'est ça son vrai nom. Et il était le fils lui-même de Bernard Weiler, qui était un juif d'Allemagne qui avait émigré donc en Grande-Bretagne et parce qu'il vendait des produits de luxe, nous dit-on. Voilà, ça c'est tout à fait officiel, c'est dans la fiche Wikipédia donc de l'archevêque de Canterbury. Donc voyez-vous, il y a là peut-être quelque chose à creuser sur les espérances planétariennes qui se manifestent une nouvelle fois, hein, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Ryssen. Mais bon, ça vaut la peine quand même d'être souligné. Hein, voilà, c'est... Oui, citant aussi le cardinal Lustiger. Hein, Lustiger, oui. Un catholique de plus, ce n'est pas un juif de moins. Hein. Oui, c'est tout à fait bien formulé. Alors, comment dire? Alors, on avait parlé des jeux de rôle la dernière fois. Hein, rappelez-vous comment les jeux de rôle étaient progressivement... l'objet ben, de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la transformation des représentations collectives. Là, en l'occurrence, pour ce qui concerne les jeux de rôle, c'était le folklore européen, donc la culture traditionnelle européenne avec son légendaire. Et j'avais dans la discussion évoqué aussi le fait que ben, cette révolution culturelle touchait tous les domaines sans restriction aucune. Et bien en fait, depuis la mort donc de George Floyd, là, cet acteur pornographique de Minneapolis, il y a eu une grande accélération dans ce processus de réécriture de l'histoire. Et donc, cela concerne aussi le domaine religieux, hein, strictement parlé. Et donc, il est question maintenant de changer les représentations, effectivement, de Dieu, puisque dans la religion chrétienne, comme vous le savez, Jésus-Christ est Dieu. Le Messie, mais c'est aussi Dieu. Donc, Dieu aurait un visage donc de nègre. Alors... Un doute, excuse-moi Gandalf, mais un doute m'étreint. Parce que si Jésus-Christ est un nègre, je n'ose imaginer la couleur de Marie et de Joseph. Pourquoi ? Ben, si manifestement le Fils de Dieu est un nègre, est-ce que Marie était blanche ? Non, non plus. Non, mais c'est intéressant. Il souligne à un moment donné, là, l'archevêque, il appuie sur le don, il dit il est moyen-oriental, il n'est pas blanc. Il le souligne. Et lui-même ayant racines sémitiques. Donc ça, autre point important. Écoutez, c'est pas vrai. Hein. C'est vrai, je pense, non ? Ah oui, non, c'est tout. Oui, fait non, mais sur le fond du problème. Sur le fond du problème. Oui, effectivement, il n'était pas nordique. Ça, on est d'accord là-dessus. Bon, déjà, celui qui dit je sais exactement à quoi il ressemblait, forcément, il se plante. C'est un menteur, personne ne sait. Les rares témoignages qu'on a là-dessus, c'est des textes apocryphes. Donc, moi, je ne vais pas me lancer là-dessus. Mais généralement, on dit qu'il était plutôt grand, élancé, qu'il avait des reflets blonds, les yeux verts. Mais c'est des apocryphes. Donc, moi, en tant que catholique, je me réfère pas spécialement à ça. Évidemment que le Christ a choisi de s'incarner parmi le peuple juif. Dans une région où c'est une sorte de carrefour mondial, donc ça laisse quand même beaucoup de possibilités, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'aurait pas pu être nègre, pour la même raison qu'il n'aurait pas pu être borgne, ou bossu, ou nain. En fait, il a choisi de s'incarner dans ce peuple, mais il a choisi aussi d'être sublimé par son charisme, son intelligence et aussi son apparence, quoi. Donc il ne pouvait pas avoir une tare physique telle que la négritude, ça c'est évident. Oui, ça c'est en fait c'est non mais il y a une en fait ce que moi ce que je vois c'est quand je regarde la peinture. D'ailleurs, si vous regardez la peinture, donc qui est une copie de mauvaise qualité d'ailleurs de l'œuvre de Vinci, en 5 siècles on voit alors l'effondrement du niveau assez spectaculaire, enfin surtout ce dernier siècle. Mais il y a des femmes, il y a une femme qui est présente aussi parmi les apôtres. Donc vous voyez que il y a plusieurs messages dans ce tableau, plus un message je veux dire subversif, même totalement contraire à la tradition chrétienne. Donc il n'y a pas que la question raciale, mais il y, y a la dimension raciale. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que en réalité, ces gens-là ne parlent pas vraiment du Christ, en réalité. Ces gens parlent de leur véritable Dieu, qui est le nègre. Enfin, en fait, ce qu'on voit, c'est la déification du nègre, en réalité. Hein, donc il ne s'agit pas simplement de dire « oui, mais vous comprenez, le Christ est universel, blablabla ». Non, c'est la déification du nègre. Et donc le nègre doit être mis en... même carrément au-dessus des autels, voilà, et ça se passe, ça se passe au plus haut niveau, puisqu'en Angleterre, c'est le principal responsable après la reine d'Angleterre qui appelle à négricier les représentations de Dieu. Bon, visiblement, il ne veut pas le représenter en hindou, non, c'est un nègre, hein, c'est très important, il y tient. Bon, bien sûr, c'est un effort de subversion, c'est-à-dire qu'il faut ensuite se reporter à l'intention. Pourquoi vouloir mettre sur un tel piédestal le nègre, je veux dire, dans tous les segments de la société, y compris dans le segment religieux? C'est tout simplement parce qu'il y a un travail, comme on l'a bien expliqué la semaine dernière, de destruction, pour le coup, biologique, des pays blancs. Et donc, évidemment, si on a coutume... les fidèles, enfin ceux qui vont encore à l'église, à des représentations d'un Jésus nègre, et ben, l'intention est bien sûr d'encourager ces mêmes fidèles à être des militants très ardents de la cause antiraciste, c'est-à-dire de la cause anti-blanche et pro-immigration, hein, de la cause cosmopolite, qui est celle en réalité des juifs. Donc voilà, c'est... Évidemment, c'est assez décalé, vu comme ça, mais ça prête même à sourire, mais derrière ça, il y a quand même un vrai effort de réécriture du passé, et surtout du futur. C'est surtout ça qui va se passer. Il est même très étonnant, puisqu'il s'agit quand même de l'Église d'Angleterre, et que l'Église d'Angleterre et la jaquette sont quand même relativement proches, qu'on n'ait pas décrété que Jésus-Christ soit membre d'une communauté LGBT. Au train ils l'ont déjà choses, fait. Hein. Au point où on en est, pourquoi pas hein. Si, il y a déjà des sectes protestantes qui ont décrété ça. Bon, écoute, on voit tout. Hein. Mmh. Oui, enfin bon, voilà, c'est clairement, on est maintenant à... Ah, c'est le programme, hein, c'est le programme, donc la déification du nègre et voilà, l'ouverture d'église, littéralement, de négrolatrie, où vous allez adorer le nègre, hein, voilà. Ça, vous voulez des cultes avec des photos énormes de nègres et vous devez adorer le nègre. Et pour le coup, hein, je rejoins Derek, je pense qu'on va pas tarder à ce que l'église catholique romaine, entre guillemets officielle, emboîte le pas, hein, clairement. Bah oui, elle est assez en retrait finalement. Mais c'est quand même dommage, parce qu'après plus de 1000 ans de représentation artistique du Christ de mille et mille façons, c'est quand même dommage, finalement, de n'apprendre que maintenant, par les autorités chrétiennes, qu'il ne faut surtout pas le représenter en homme blanc, parce que Jésus n'est pas blanc, et voilà, et donc ce n'est pas acceptable ni bienvenu. Voilà. Bon, je trouve qu'il aurait dû le dire un peu plus tôt. Voilà. Mais bon. On nous aurait menti à l'insu de notre plein gré. C'est possible. Alors bon. Messieurs. Donc après ce petit épisode donc de négrolatrie, je passe à la rubrique numéro 2, qui est la rubrique talmudisme. Et là aussi, nous sommes en Grande-Bretagne. Comme quoi, ça fait la jonction. C'est un article du journal The Telegraph, qui nous parle de ce qui se passe au Royaume-Uni à propos du mouvement Black Lives Matter, puisqu'il y a eu, des tensions assez fortes autour de ce mouvement, vous allez comprendre très vite pourquoi. La BBC a demandé à ses présentateurs et invités de ne pas porter de badge Black Lives Matter, car la campagne a été accusée de détourner la mort de George Floyd pour des raisons politiques. Les patrons de la chaîne ont décidé de ne pas autoriser le port de symboles visuels de soutien Black Lives Matter à l'écran, ont déclaré des sources à haut niveau au Télégraphe. Cette décision intervient alors qu'un certain nombre d'organisations de premier plan ont été contraintes de revenir sur leur soutien au mouvement Black Lives Matter, dont la branche britannique a critiqué publiquement Israël, et a appelé le gouvernement britannique à démanteler la police. La position de la BBC est en contradiction avec celle d'autres diffuseurs, dont Sky, qui ont affiché des hashtags BLM entre les programmes et encouragé les présentateurs à porter des badges de soutien. La première ligue, donc la Ligue 1 donc, britannique, quant à elle, a été un soutien important, chaque joueur portant le slogan BLM sur sa manche et posant le genou à terre avant le coup d'envoi, malgré l'interdiction de messages politiques pendant les matchs, du moins selon le règlement, quoi. Mais après que la campagne du BLM Royaume-Uni ait publié un barrage de tweets politiquement chargés plus tôt cette semaine, les présentateurs de Sky Sports, dont l'ancien joueur anglais Matt Letissier, ont déclaré qu'ils étaient mal à l'aise à l'idée de porter ces badges, inquiets de l'activisme d'extrême-gauche de la campagne. Un porte-parole de la Première Ligue a quant à lui pris ses distances avec le Black Lives Matter, déclarant qu'il reconnaissait l'importance du message selon lequel les vies noires sont importantes, mais qu'il ne soutenait aucune organisation, mouvement politique, ni aucun groupe qui appelle à la violence ou tolère des activités illégales. Des sources à la BBC ont cependant révélé que la société avait toujours considéré que Black Lives Matter était une campagne politique et avait donc estimé que le fait de porter des symboles de soutien serait contraire aux directives d'impartialité. La source ne confirme pas si des personnalités à l'écran se sont vues refuser la permission de porter un badge pendant la couverture de la BBC. Mercredi, Tottenham Hotspur est devenu le premier club de football à rompre publiquement avec le mouvement après que Black Lives Matter UK ait publié une série de tweets suggérant que la politique britannique avait été bâillonnée du droit privée du droit de critiquer le sionisme. Dans une lettre adressée à un fan inquiet, vu par le Télégraphe, la directrice exécutive Donna Maria Cullen a déclaré que le président juif du club, Daniel Levy, avait été tout aussi déçu par ses tweets. Alors, je vais vous citer le tweet en question, qui suscite l'émoi. Voici ce qu'a déclaré donc le compte Twitter officiel de Black Lives Matter UK. Alors qu'Israël poursuit l'annexion de la Cisjordanie, que la politique britannique dominante est interdite de critiquer le sionisme, et que la colonisation de peuplement d'Israël se poursuit, nous nous tenons clairement et à haute voix aux côtés de nos camarades palestiniens, Palestine libre. Voilà, c'est le message qui a tout d'un coup changer la donne au Royaume-Uni avec donc des clubs de foot dirigés par des juifs qui décident d'abandonner le mouvement alors qu'ils le soutenaient hein, de leur propre aveu avec beaucoup de ferveur. La télévision d'État, bon, disons, on ne supporte plus le mouvement, pas de badge, etc. Et puis vous avez toute une série de célébrités qui ont cru très utile de soutenir publiquement ce même mouvement, qui soudain retirent leur appui en disant que il est inacceptable pour Black Lives Matter de devenir un mouvement politique, comme si bien évidemment ça n'avait jamais été un mouvement politique. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça fait la jonction avec tout ce qu'on a dit précédemment dans les démissions, mais là je crois que c'est un aveu très clair, quoi. Hein, voilà, c'est la ligne rouge a été franchie. Hein. Oui, la ligne rouge, c'est le juif. Hein. Donc, vous pouvez dégueuler tant que vous voulez sur les blancs, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une manifestation politique, c'est neutre. Questionner questionner sur ce qui se passe. En Israël, là, oui. Bon, vous êtes politique, vous êtes activiste, vous êtes méchant. Donc, non, ça marche plus. C'est marrant. Hein. Enfin, c'est et marrant. Boycott dans la foulée. Hein. Boycott, hein, c'est pas boycott. Donc la BBC, tu passes du statut, en fait, non, c'est un message universel, c'est normal, au fait que, limite, tu es terroriste. Hein, bah oui. Presque ça. Tout à fait. Qui d'autre sur sur ce revirement ? Les juifs. Quoi. Les juifs. Les juifs. Bah, moi, je vois ça comme une sorte de guerre de religion, en fait. Donc, il y a la puissance montante, la nouvelle religion, donc du marron, voilà, tout ce qui est marron. Tout ce qui est noir, j'ai envie de dire. Là, c'est vraiment c'est plébiscité à fond. Et qui, en fait, est en guerre ouverte contre une puissance réelle. Qui est un peu en déclin, parce qu'en fait, les juifs ont créé les marrons, donc c'est un peu problématique. Mais la puissance en place veut quand même garder son poste, quoi. Donc il y a des guerres d'influence, donc la religion de la Shoah est omniprésente, quoique maintenant, c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'essuyer les pieds sur ce mensonge, hein, ça devient de plus en plus gros. Et donc voilà, c'est deux religions qui s'affrontent, donc la Shoah d'un côté avec les juifs, et puis les nègres créés par les juifs, donc... intéressant. Attends. Puis il y a des blancs au milieu, voilà. Puis les blancs au milieu, ils regardent, ils se disent bon, on va se faire bouffer par qui ? On ne sait pas encore. Ouais, c'est. C'est même pas la Shoah, là. C'est carrément le juif, là. C'est les juifs directement. Hein. C'est-à-dire que dès que des juifs qui font des trucs au Moyen-Orient, putain, faites-lui fermer sa gueule, quoi. Je sais bien, Eric, que c'est la même chose. Ces gens-là mélangent tout. Hein. Dès que tu critiques. En fait, t'as vu le tweet en question. Le tweet en question, il dit quoi ? Il dit rien du tout, en fait. Attention, les peuples colonisés en Israël, Palestine libre. Et en fait, les juifs, ils torturent ça. Vous vous rendez compte ? Antisémitisme, Shoah, c'est bon. Hein. Ils te font le lien vite fait. Hein. Oui. Et le pire, c'est que la majorité blanche, qui est complètement abrutie par les médias, la TV, voit ce genre de choses et ne pense même pas. On a supprimé le pouvoir de réflexion chez l'homme blanc. C'est carrément, c'est à pleurer de voir des gens qui ne réfléchissent même plus face à des faits aussi évidents. Bah là, le coronavirus a donné... la démonstration de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que je pense que dans nos milieux, on avait tendance à croire que, voilà, grâce à l'Internet, ces 20 dernières années, il y avait eu une forme de déniaisage collectif, ce qui est vrai en partie, et on s'était dit, bon, bah, finalement, les grands médias, ils sont discrédités, etc., ils n'ont plus la même influence qu'auparavant. On a vu le résultat. Si l'influence des grands médias, elle est là, et elle est bien là. Et il ne faut pas du tout sous-estimer la capacité de ces médias et de ceux qui les contrôlent, bien évidemment, d'exercer sur les populations une influence considérable, considérable. Donc c'est vrai, avec l'affaire George Floyd, qui est devenu vraiment un moment pivot, qui a donné une nouvelle impulsion à la déification, effectivement, du nègre, bien sûr, mais aussi à la diabolisation de l'homme blanc, parce que là, maintenant, on est véritablement dans la diabolisation, systématique de l'homme blanc. C'est pour ça que quand on entend parler de racisme systémique, c'est très cocasse. C'est très cocasse parce que y a bien un racisme systémique qui est en train d'être mis en place, mais c'est contre les blancs. Y a bien un système racial, il y a bien un système de hiérarchie raciale et de hiérarchisation raciale qui est mis en place, avec des races qui sont valorisées, des races qui sont dévalorisées et diabolisées, ou plus exactement, une race qui est diabolisée, c'est bien évidemment la race blanche. Donc, s'il devait y avoir un racisme systémique, si cette formule devait avoir un début de réalité, ce serait pour décrire ce que nous vivons actuellement, qui n'est pas du tout le fait que les blancs exercent une suprématie illégitime et cruelle à l'encontre des populations de couleur. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Et ça, c'en est bien évidemment une démonstration. Il y en a une autre récemment aux États-Unis. Là, c'était le New York Times qui a fait cette annonce, un journal juif. Hein, c'est la propriété de Sulzberger, un mania de la presse juif, qui a annoncé que désormais, dans les colonnes du New York Times, noir, donc black, pour désigner un noir, prendrait une majuscule. Et que blanc n'en prendrait pas, c'est-à-dire white. Donc white, ce serait avec un W minuscule, tandis que black, ce serait écrit avec un B majuscule. Il faut lire l'explication donnée par le rédacteur en chef, qui est d'ailleurs un afro-américain de Louisiane, je ne sais pas si c'est même pas un juif qui a écrit, parce que C'est du pile-poule. C'est du pile-poule, c'est-à-dire qu'on vous explique que ce qui est valable pour un n'est pas valable pour l'autre, mais que tout le monde est égal par ailleurs. Ouais, bon, voilà. Mais ça, c'est vraiment... Là, on vous le signifie jusque dans l'orthographe. On vous signifie qu'il y a bien une hiérarchisation raciale jusque dans l'orthographe. Et c'est pas fait par une feuille obscure d'un campus américain. C'est le New York Times. C'est le New York Times. Donc les juifs adhèrent totalement... c'est pas qu'ils adhèrent, c'est les juifs soutiennent totalement ce projet de hiérarchisation à rebours des races, c'est évident, voilà. Et quand on s'approche un petit peu trop d'eux, c'est-à-dire que quand évidemment vous avez des activistes noirs ou des activistes d'extrême gauche qui effectivement pointent du doigt ce qui se passe en Palestine, parce que tout simplement ça se déroule en ce moment, puisqu'effectivement Israël a annoncé avoir l'intention d'annexer ce qui reste de la Cisjordanie, en tout cas une partie de ce qu'il en reste, donc des territoires arabes, et donc c'était dans les journaux. Donc le fait que une organisation de gauche dise « Attendez, oui, il y a peut-être des Arabes qui se font ratonner en Israël. Ah, tout de suite, là, non, ah, vous avez... on vous rappelle, enfin, les Juifs vous rappellent que, non, non, il y a une hiérarchie des races, que le nègre est placé au-dessus du blanc, c'est bien entendu, mais que le Juif n'entend pas pour autant rétrograder. Voilà. Et son rappel à l'ordre est assez brutal, hein. Ça passe par le boycott, comme je le disais. C'est très rapide, hein. Soudainement, vous avez des clubs de football qui rentrent dans la danse, aussi vite d'ailleurs qu'ils sont rentrés. C'est assez marquant. Ça ressemble à l'historique du Parti travailliste, finalement, au Royaume-Uni. Qui, en fait, tant qu'ils sont dans la haine des Blancs, ou plutôt... alors, pas spécialement la haine des Blancs, c'est un peu particulier, on ne peut pas dire ça exactement. C'est pas loin, mais c'est plutôt une sorte de SOS racisme anglo-saxon. Ça allait très bien, je veux dire, il n'y a pas de souci de la part des Juifs pour ça. Et dès qu'ils ont commencé à taper sur Israël et le sionisme, là, par contre, ça a changé. Le discours a complètement changé et il y a eu une opération de censure. Tu parlais des États-Unis auparavant, il y a eu le même processus avec Nation of Islam. Dès que ça a commencé à taper sur les Juifs, alors là, les emmerdes ont vraiment commencé. Et en France, c'est pareil, en fait. Hein. Donc, SOS Racisme, c'est un peu le canal historique des marrons. Que ça prenne un peu une forme un peu plus virulente, par exemple, comme le collectif Assa Traoré, Adama Traoré, pardon, où là, on parle clairement un peu de guerre raciale, hein. C'est beaucoup plus incisif. Ça va encore. Mais voilà, dès qu'on arrive sur des marrons, en gros, qui se rebellent contre le juif, par exemple Dieudonné, ah là c'est plus du tout la même chose. Hein. Tout à fait. Mais c'était bien parce qu'avec l'exemple britannique là, qui avec son caractère institutionnel, de la réaction quoi, hein, du boycott par la BBC, etc. montre qui contrôle. Parce que les gens se demandent, mais parce que les gens, voilà, ils voient un mouvement, ils voient que les médias en bas, ils savent pas trop pourquoi. Il y a des happenings qui ont lieu ici ou là. Les médias soutiennent, et les gens, ils disent, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, ce sont vraiment des créations médiatiques. Ce sont des créations médiatiques. Et ceux qui les créent savent pourquoi ils les créent. Simplement, ils révèlent jamais leur nom. Et là, c'est très intéressant, puisque les nègres ont cru qu'ils détenaient enfin le pouvoir en Occident. Ils se sont dit, ça y est, c'est bon, c'est nous les maîtres. Et les juifs les ont rappelés à l'ordre. Ils leur ont signifié que non, ils ne sont pas les maîtres. Ils ont le pouvoir de disposer des blancs plus ou moins comme ils le veulent désormais. Hein. Je veux dire, la haine anti-blanche est vraiment encouragée chez ces populations. Mais ils en ont perdu un petit peu la tête, quoi. Ils ont été un peu grisés par ce succès d'estime, hein, ce succès dans l'opinion. Ils se sont dit, bon, bah, c'est nous maintenant qui allons fixer le cap. Et alors, bah, oui, comme ça, mis en confiance, ils ont poussé un petit peu plus loin les revendications et ils ont regardé du côté effectivement de la Palestine, un autre peuple de couleur, hein, officiellement les Arabes, et bah voilà, on leur a dit ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, négro, il va falloir que tu te calmes. Et ils ont été calmés. Hein. Le tweet, je le précise, a été effacé. Donc les nègres ont compris qui ils pouvaient mordre et qui ils ne pouvaient pas mordre. Ça, c'est très clair. Donc maintenant, ils sont retournés à la haine du petit blanc. Voilà. Donc, un cas d'école de manipulation juive. Quelqu'un veut-il préciser autre chose, rajouter autre chose? Pas spécialement. J'insiste aussi sur le premier sujet. Hein, l'archevêque de Canterbury qui veut mettre des nègres dans toutes les églises de Grande-Bretagne. Il est d'origine juive. Hein. Donc, il y a toujours un fil conducteur. Il faut pas le perdre de vue. Ben, ils ont foutu leurs pions absolument partout, c'est ça l'éternel problème. Hein. Tout à fait. Alors messieurs, je vous propose maintenant de changer complètement de sphère et de revenir en France. Vous le savez, ça a été les élections municipales. On en reparlera dans la deuxième partie d'émission. Mais il y a donc des nouvelles recrues. Hein. La République a des nouvelles recrues, et des recrues de qualité. Jugez-en plus tôt, grâce à cet article du Parisien. Alors, la carrière politique naissante de Zakaria Zik, 19 ans, a déjà du plomb dans l'aile. Il est peu probable que ce jeune colistier de Karim Bouamran, PS, siège sur les bancs de la majorité, au sein du nouveau conseil municipal de Saint-Ouen. La nuit dernière, il a été interpellé alors qu'il circulait sur un scooter volé avant d'être placé en garde à vue. Il a été relâché depuis et a fait l'objet d'un rappel à la loi, précise le parquet de Bobigny. Il occupait la 27e place de la liste Réinventons Saint-Ouen et était donc en position éligible. 32 sièges seront dévolus à la future formation. Benjamin de l'équipe, Zakaria Zig, aurait même dû à ce titre avoir le privilège d'être désigné secrétaire de séance pour l'installation de la nouvelle équipe municipale ce samedi à 15h, salle Barbara. Je lui ai demandé de se mettre en retrait de la vie politique municipale, commente ce vendredi Karim Bouamran, tête de l'ISPS, victorieux à 38%, dimanche de William Delannoy, 32%, le sortant UDI, et appelé à prendre place dans le fauteuil, de maire ce samedi. Le jeune homme a été contrôlé alors qu'il circulait sur un scooter volé, jeudi peu après minuit, rue Godillot. Les policiers de la BAC repèrent quatre hommes qui roulent à vive allure sur deux scooters dépourvus de plaques d'immatriculation. Pour échapper à la police, les deux roues empruntent l'essence interdite et commettent plusieurs autres infractions. Ne voyant plus d'issue à la course-poursuite, les fuyards abandonnent les véhicules sur la voie publique et s'enfuient en courant. Mais un deuxième équipage de police parvient à les bloquer. L'un d'eux signera ingénument qu'il est sur la liste du nouveau maire, Karim Bouamran, et précisera un peu trop vite qu'il est conseiller municipal, les élus ne devant être désignés officiellement que ce samedi. Les scooters ont été récupérés. Il s'avère qu'il s'agissait de véhicules volés. Karim Bouamran se serait bien passé de la sortie de route de l'un de ses colistiers. Il indique « Je suis pleinement attaché à l'intégrité et à la probité de mon équipe. Je le convoquerai au plus vite pour qu'il puisse s'expliquer et je prendrai les mesures qui s'imposent afin que cet acte répréhensible ne jette pas l'opprobre l'opprobre sur une équipe qui s'est comportée de façon exemplaire pendant la campagne. Alors, messieurs, 19 ans, fraîchement élu, le bougnoul fait déjà le bougnoul. C'est quand même... Ouais, il a été encore gaulé d'ailleurs cette semaine, une deuxième fois, car il détenait des stupes sur lui. Voilà. Ah! Ouais, mais la société, tu vois, il est oppressé. Ça risque d'être compliqué, parce que si on doit mettre des Arabes dans tous les conseils municipaux, mais qu'ils doivent être par ailleurs honnêtes, ça va être compliqué quand même. Le maire là qui a été élu, le Karim Bouamran, il faut savoir qu'il est porte-parole du Parti Socialiste depuis 2016. Hein. Ah, je l'ignorais. Moi aussi, j'ai appris ça dans la presse là, cette semaine. Bon, il faut dire que le Parti Socialiste, il reste pas grand-chose, quoi. Hein. Il reste tout le tissu associatif néfaste. Qui a été mis en place pendant des décennies. Et ce qu'il en reste, un bouilloule qui porte la parole du parti et qui constitue une liste dans laquelle tu as ce type d'autres bouilloules qui volent des scooters, qui se font choper avec de la cam en moins d'une semaine, quand même, c'est quand même fort. Ça va être très sympa la France, hein. Ça va être très très très sympa. Oui, parce que c'est genre de réagir comme un bougnoul en plus. Hein. Oui. Oui, je fais partie de la liste du conseiller du. Je suis conseiller municipal et puis j'imagine la scène. Il a dû dire voilà une centaine de fois. Ouais. Je connais le maire, toi. Touche-moi pas. Les conseils municipaux vont devenir particulièrement géniaux. J'essaye d'imaginer les gens assis sur des poufs en train de fumer des chichas avec des danseuses du ventre. Ça va devenir surréaliste. Ça va arriver. Ça existe déjà. Hein. Non, enfin, c'est pas. C'est juste. Non, pas en conseil municipaux. Mais il y aura juste à mettre une pancarte conseil municipal et puis ce sera ça. Oui, tout à fait. Enfin bon, ça m'a fait... Voilà. Ouais, vas-y, Pierrot. Non, là, pour le coup, on parle de bougnoul pour Saint-Ouen. Bon, la dernière fois que je me suis baladé près de Saint-Ouen, donc c'était pas de bonne grâce que je m'oubliais, c'est une ville nègre, hein. C'est une ville complètement négrifiée. Ah ouais. Les bougnoul, il y en a quand même, effectivement. Mais au niveau des nègres, attention, il faut s'accrocher. Hein. Prenez une passe à linge pour le lait, parce que là, franchement, au niveau de l'odeur... Alors, du coup, ça explique un peu la synthèse que représente ce maire, là, Karim Bouamran, parce que après avoir vu une photographie de son faciès, je trouve qu'il est, il a des traits négroïdes en fait. Ouais, il ressemble à un nègre, ouais, tout à fait. Et donc une espèce de truc là, vous savez, mauritanien, je sais pas, c'est un peu spécial, mais. Oui, c'est le, ce sont les métissages coupables des Marocains avec les singes. Oui. Sous-entendriez-vous que Jésus est revenu? Ah! Il s'appelait Karim, en fait. Ah oui, d'accord, les gars. Non, mais bon, peut-être que la mère de Karim est une beurette à Hel, hein. C'est possible aussi, ouais, c'est possible. Alors, en tout cas, il tirait vraiment, franchement, sur le nez. Enfin, bon, voilà, donc, le Parti Socialiste est un parti donc, totalement bougnoulisé, hein. C'est vraiment... C'est comme en Belgique, hein, Fulbert, hein, c'est le parti de l'islam, quoi, hein, c'est... Ouais. Ah, c'est le parti de tout. Excuse-moi d'intervenir, Fulbert, mais c'est le parti de tout. En fait, maintenant, ils ont ouvert le parti à tous les immigrés possibles ou imaginables. Donc, je sais pas, tu viens de Moldavie, on te propose de rentrer dans le Parti Socialiste pour avoir une place de conseiller. Tu viens de Tchétchénie, même chose. Ils ont décidé, eux, ils sont dans le mondialisme le plus terrifiant qui soit. C'est-à-dire que non seulement ils te prennent les premiers migrants qui débarquent pour les intégrer dans la politique, mais le pire, c'est que c'est des gens qui n'ont aucun diplôme, aucune connaissance, rien du tout, qui arrivent à peine à parler de 2-3 mots de français. Je vais prendre un exemple. Le problème des conseils communaux à Molenbeek, c'est d'arriver à avoir un conseil communal qui se déroule en français et pas en arabe. On en est là. À Molenbeek, c'est un cas vraiment spectaculaire, ouais, de comment dirais-je, de mutation radicale d'une commune. C'est bien le Parti Socialiste qui contrôle, c'est Moureau, c'est la fille Moureau qui contrôle ça. C'est la fille Moureau qui a récupéré le truc après qu'une libérale ait essayé de coller quelques rustines sur la coque du navire, mais bon, ça n'a pas marché, parce qu'il faut se rendre compte que, si tu veux, la vérole du Parti Socialiste a complètement flingué l'économie. Tu ne peux rien foutre, mais strictement rien foutre à Molenbeek sans la bénédiction du PS. Tu sais rien faire. De l'autre côté, tu as un autre pendant qui est Schaerbeek. Alors Schaerbeek, là, c'est encore un petit peu plus rigolo, puisqu'en fait, le maire de Schaerbeek, c'est un type qui appartient à un parti, mais Fulbert pourrait nous en dire plus, qui est l'ancien Front des francophones. C'est un microcosme de parti politique. Mais par contre, être bourgmestre de Schaerbeek, c'est un jackpot absolument fabuleux. Parce que en Belgique, tu es payé en tant que maire au prorata de la population. Donc, plus tu as de monde, plus ça rapporte. Et il faut savoir que, par exemple, pour la commune de Schaerbeek, la prostitution, c'est le second apport financier de la commune après l'impôt cadastral. C'est absolument surréaliste. Donc le type qui est maire là-bas, il a le triple jackpot. Le triple jackpot. Il est le cul dans le beurre, le mec. Mais par contre, tu as une rue qui s'appelle la rue de Brabant, dans laquelle tu as l'intégralité des commerces marocains, tunisiens et autres. Il faut se rendre compte que là-dedans, tu n'as jamais un contrôle fiscal, tu n'as jamais une descente de flics, tu n'as jamais un contrôle de TVA, rien du tout. Ou alors, quand ils arrivent, grosso modo, c'est à coup de char d'assaut. Il n'y a personne qui va contrôler ces mecs. Ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Toi, tu as une boulangerie, tu as une épicerie, tu te gourres sur le prix de 2 croissants, crois-moi bien, le redressement fiscal, il va être chaud bouillant. Ah, c'est le Parti Socialiste dans la Belgique francophone. Tient tout, hein. Alors, ils tiennent tout. Alors, ils tiennent un peu à Bruxelles. Mais alors, surtout, le gros problème, c'est qu'ils ont complètement verrouillé la Wallonie. Hein. Ouais. Et alors, la grosse saloperie dans l'histoire, c'est que, si tu veux, tu as encore trois autres partis importants. Tu as le CDH qui est devenu, qui est l'ancien Parti Social Chrétien. Bon, ils se sont méchamment fait décivés. Tu as les écolos qui sont en train de monter en flèche, comme en France, hein, il faut pas se leurrer, puisque bon, en fait, les déçus du socialisme se rabattent sur l'écologie. Et tu as, les libéraux. Mais alors, les libéraux, c'est des libéraux qui sont vraiment très bizarroïdes, puisqu'en fait, dès qu'il s'agit de pognon, quand les socialistes ont décidé quelque chose, systématiquement, les libéraux suivent. Donc, j'ai pas de preuve là-dessus, mais c'est clair que quelque part, il y a une connivence, mais j'arrive pas à comprendre très exactement à quel niveau. Ça me dépasse complètement. Ben, à propos des libéraux, d'ailleurs, une petite anecdote. Un article récent de Times of Israel les classait au centre-gauche. Ah bah. Ah oui. Non, c'est très bizarre. Et surtout, ce qu'on n'arrive pas à piger, parce qu'on a eu des réflexions avec des potes, on n'arrive pas à piger les connexions occultes qu'il y a entre la prétendue droite et le Parti Socialiste. C'est extrêmement bizarre et ça remonte. Bon, il faut aussi se rendre compte d'une chose, hein, les gars, c'est que le Luxembourg est tout près, les îles anglo-normandes sont tout près. Donc, au niveau des sociétés offshore, on peut se permettre de foutre du pognon, mais alors où on veut, sans aucun problème. Mais il y a des connexions et arriver à comprendre la mécanique, on est dans le flou absolu. Alors, la connexion, moi, je la vois. En tout cas, j'en vois une principale. c'est la maçonnerie. C'est évident que derrière tous ces partis, il y a effectivement des réseaux occultes. On va dire le parti occulte du système, là, la courroie de transmission. C'est pas la tête, mais c'est une courroie, et pour moi la maçonnerie explique un certain nombre de choses dans ce type d'affaires de corruption, parce qu'en fait les mecs décident de se partager le gâteau lors d'agapes, hein, tout simplement, et donc il n'y a rien d'étonnant que les libéraux suivent les socialistes dans leurs affaires, hein, ça, dans leur magouille, hein, ça, ils doivent être au moins autant compromis, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas reculer, quoi. À mon sens, mais je ne suis pas familier de la question, donc je ne serais pas, je pourrais pas, je pourrais pas prononcer. C'est effectivement une des courroies, mais il y a quelque chose d'occulte derrière qui est encore plus puissant, et je te dis très honnêtement, on n'arrive pas à piger. Et faut se rendre compte d'une chose, hein, c'est que en Belgique, la culture du secret est encore plus importante qu'en France. T'es dans un royaume, donc déjà il faut nécessairement protéger tout ce qui est famille royale, donc on te coule des murs de béton dès qu'il y a un petit quelque chose, ouais, de pas très net. Donc il y a vraiment une culture du secret en Belgique que vous avez beaucoup moins en France. En France, il y a beaucoup plus de chances pour que ça filtre. En Belgique, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Le pays petit, ouais, aussi. C'est parce qu'il y a personne qui se donne la peine de faire son travail convenablement. C'est parce que les journalistes francophones en Belgique sont des putes encore pires qu'en France. Parce qu'en France, il y a encore des gars qui parlent dans les journalistes. Rarement, d'accord, mais ils parlent. En Belgique, il n'y en a pas un qui ouvre sa gueule. Et quand il y en a un qui ose aller un peu plus loin que les autres, c'est toujours un type d'extrême gauche. Allez, genre, j'ai oublié son nom, la Bouffiou. Le mec du journal du mardi, je ne sais pas si tu te souviens des Molix. Bon, à part des gars comme ça, mais t'as rien du tout, hein. Pas d'opposition, pas d'intervention, pas de rébellion, rien. La peau. De temps en temps, t'as le journal Pan qui sort un petit truc, hein, et puis bon, après ça, tu oublies, hein. Et alors, évidemment, tu as des mafias socialistes absolument extraordinaires. Il faut bien savoir que, par exemple, le Parti socialiste en Belgique a créé un espèce de monstre tentaculaire qui s'appelle à l'époque la SMAP, la Société Mutuelle, je ne reviens plus sur le nom, là je suis paumé, c'est devenu Etias, et en fait c'est la compagnie d'assurance qui assure absolument tous les corps de l'État. C'est un État dans l'État. Le gars qui était à la tête de cette compagnie d'assurance s'est fait abattre en plein cœur de Liège, je crois que c'était à la sortie de l'appartement de sa maîtresse ou un truc du genre. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Coles, qu'on a attribué à des mafieux. En fait, on a une partie de l'échiquier, mais on n'aura jamais la totalité de ce qui se trame derrière. Et en fait, il faut se rendre compte que c'est une compagnie d'assurance dans lequel, alors accrochez-vous bien les gars, l'intégralité des directeurs et des chairmen of the board des autres compagnies d'assurance européennes et pour certaines extra-européennes se trouve au conseil d'administration. Donc en fait, c'est un rouleau compresseur financier d'une puissance que vous n'imaginez pas. Et ça, c'est les magouilles socialistes qui ont permis la création de ce genre de monstre. Ah, une petite anecdote aussi à propos du gars qui s'était fait flinguer, là, Coles. C'était un juif. Alors les mecs là-bas, ils étaient costauds, hein, parce que pour faire flinguer sur contrat un dirigeant socialiste juif, il fallait oser quand même. Hein. Ouais, ça, visiblement, ouais. Oui, d'autant. On n'a pas encore ça chez nous. Hein. D'autant que le fils de Coles est toujours avocat et est l'avocat, devinez de quoi, du Parti Socialiste. Oui, c'est la mafia, quoi. Absolument. Ouais. Mafia judéo-socialiste, donc, en l'occurrence. Dans ce... Ah, c'est chouillant. Parce qu'il y a des gens, je ne vais pas donner d'exemple, mais j'en connais au moins un terrible, que personne en Belgique n'imaginerait être juive. Et pourtant, il y a une grande socialiste, mon ami, c'est une youpine de Dieu le Père. Et il n'y a personne qui imagine ça, il n'y a personne qui l'accuse, rien du tout. Ben voilà, ou qui le fait remarquer. Mais bon, parti socialiste. Ouais, très intéressant. Alors messieurs, je voulais aussi, puisque on est lancé sur la transmutation du Parti Socialiste en parti musulman et mafieux, il faut aussi s'intéresser à la composante islamiste. Alors ça c'est, toujours dans la vie politique, hein. Ça se passe, je vais vous dire ça tout de suite, ça se passe dans le Val d'Oise. Alors ça c'est l'Express qui cite ça. Abdelaziz Hamida se présente à la tête d'une liste sans étiquette à Goussainville, il a été élu, hein, dans le Val d'Oise. La police le surveille depuis plusieurs années. Le 14 mars 2019, Abdelaziz Hamida, en inaugurant son QG de campagne, se déclare candidat aux élections municipales à Goussainville, une commune du Val d'Oise de 30 000 habitants. Conseiller municipal sortant, élu en 2014 sur la liste du vainqueur Alain Louis, d'hiver gauche, avant de basculer dans l'opposition en cours de mandat, il se présente sans étiquette avec un slogan « L'audace du renouveau ». Né dans la ville il y a 43 ans, titulaire d'un master en droit des collectivités territoriales et locales à l'université de Paris 8, il s'affiche comme entrepreneur et cadre associatif. Il fut président du football club de Goussainville. Il assure agir en homme libre, en élu de terrain, en phase avec les réalités du territoire et avec ses convictions chevillées au corps, dit-il. Selon les informations de l'Express, l'homme a fait l'objet d'une fiche S pour islamisme radical. De sources policières, il est réputé proche du mouvement fondamentaliste Tabligh, une organisation dont le nom a été cité dans le dossier judiciaire de la filière djihadiste de l'UNEL, responsable du départ de plusieurs jeunes Français pour la Syrie et l'Irak dans les années 2014 et 2015. Hamida avait éveillé l'attention des services de renseignement en raison de ses activités prosélytes et pour compter dans son entourage plusieurs personnes fichées pour radicalisme. Parmi elles, un individu s'était particulièrement fait remarquer en observant deux jours de jeûne au moment de la mort de Mohamed Merah, le terroriste ayant perpétré les tueries de Toulouse et de Montauban en 2012. Alors ça, c'est le nouveau maire de Goussainville, donc qui est proche d'islamistes et même de djihadistes, en fait, hein, de la mouvance djihadiste. Qu'est-ce que vous voulez en dire ? Ça fait un moment qu'on dit, à droite, je veux dire, dans les milieux de droite... la perspective d'une élection de musulmans, etc. Et moi, je me suis jamais retrouvé dans le scénario qui était souvent choisi, d'ailleurs comme étant le plus spectaculaire, qui est celui d'un parti musulman déclaré, qui remporterait des élections dans une commune totalement repeuplée de maghrébins, etc. J'ai jamais trop cru à ça, et je crois que c'est le modèle socialiste belge qui est le plus probable, c'est-à-dire le fait qu'un ou des partis installés se mettent à recruter des militants ou des élus, si vous voulez, ou font élire des individus qui sont musulmans ou de toute façon immigrés. Mais musulmans, pour la bonne et simple raison, que dans ces villes-là, il n'y a plus que des musulmans ou une majorité de musulmans. Et partant, il est totalement impossible de faire élire quiconque sans les votes des Arabes. Donc, je ne croyais pas tellement à cette histoire de parti. En Belgique, ils ont le parti islam, vous savez, le parti islam qui se présentait. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En revanche, ce qui marche très fort, c'est typiquement le maghrébin en costard-cravate, parlant un français approximatif, qui se fait élire comme là conseiller municipal puis maire. Et voilà, ça a vocation à se répéter. Mais pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison de la part des bougnoules de prendre des risques. En fait, ils ont le Parti Socialiste, ils savent qu'il va faire un bon score, il suffit d'ajouter une voix en plus, et de toute manière, ça va être finalement l'application du Parti Islam. Pourquoi se faire chier à prendre des risques pour une liste spécialement musulmane qui va faire 2-3%. Voilà. Ils ont déjà tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils veulent, avec le PS. Avec le PS ou avec d'autres, d'ailleurs. Ils sont tous couchés, maintenant. Et le RM. Mais non seulement ça, mais... Si, excuse-moi. Il faut bien comprendre un truc. Il est beaucoup plus facile pour un bougnoule de s'inscrire en politique au niveau du PS pour une raison très simple. Je vais prendre le cas en Belgique. La majeure partie des contrôles qui ne se font pas par des décisions politiques. S'il n'y a pas l'inspection des finances qui débarque dans des commerces, ce sont des décisions politiques. Le principe, c'est que si demain tu élis le parti islam, tu te retrouves avec une nouvelle donne de gars qui vont vouloir eux aussi créer leur petite mafia locale. Le problème, c'est que avec les socialistes, tu sais combien tu vas devoir raquer. Avec les nouveaux venus, tu n'en as aucune idée. Donc, il faut bien comprendre que ces gens qui ont leur petit train-train habituel, qui vont filer leur petite enveloppe à monsieur le conseiller, à monsieur le maire, à monsieur le commissaire de police, à monsieur machin, à monsieur truc, oui, ils voudraient que ça change. Le problème, c'est que si ça change et que ça ne change pas dans leur optique, c'est la catastrophe. Ce qui fait que le montage parti socialiste est un truc qui est fait pour durer, mais alors des générations. Et même quand la Belgique sera complètement bougnoulisée, que tu n'auras plus un blanc dans le truc, ils préféreront toujours ce genre de merde à un parti islamiste ou à un truc du genre. Totalement. Derek, tu voulais parler ? Ouais, l'intérêt en fait pour ces gens de récupérer des partis existants dans leur style le PS, mais ça peut être d'autres, hein, ça sera de toute manière le cas d'autres partis, tous les partis, en fait tous les partis je pense, hein. Et c'est bien mieux que de s'afficher déjà en mode islam et compagnie, puisque bon, les types vont arriver, ils vont être trois boulots, ils vont rien savoir faire. Là, ils arrivent, les blancs les ont fait rentrer parce qu'ils aiment bien les arabes, ils aiment bien en avoir plein partout. Et donc, dès qu'il y en a un qui a dit bon, ben là, les blancs, maintenant, vous vous mettez au travail, vous bossez pour moi, ils disent oui, d'accord, on y va, on le fait. Donc, ils ont des esclaves blancs qui leur font tourner la machine, et eux, ils récupèrent le magot. C'est parfait, quoi. Il n'y a pas. Je vois pas pourquoi ils se priveraient et feraient du parti islam, bon, ou les trucs, les tueurs qu'ils essayent de temps en temps, bon, ils bident, ça marche pas, il n'y a pas de pognon. Oui, j'ai vu, il y avait c'est un parti frère de l'AKP en France, ils ont ça aussi en Allemagne. Démocratique. Ils se présentent aux élections, je crois que c'est l'Union des musulmans, je sais plus quoi. Non, il y a même pas musulmans, je crois. Non, c'est Union des démocrates, je sais pas quoi. Bon, c'est un nom qui est totalement passe-partout, mais c'est tenu par Erdogan. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer... Enfin, le projet d'Erdogan, c'est d'essayer de créer un vote turc. Et ça marche pas. Ça fonctionne pas. Ça n'est pas une formule qui marche. Alors, je ne dis pas, hein, peut-être c'est mieux que... de faire travailler des blancs pour récupérer le fric. Il faut bien voir une chose. C'est que, bon, on va en parler dans le détail dans la deuxième partie, mais je veux dire, de toute façon, la question c'est quoi ? C'est l'argent public. C'est ça qui les intéresse. Ni plus ni moins, c'est les subsides de l'État. C'est ça qui les intéresse. Donc, je veux dire, ils vont aller vers ceux qui leur donnent. Voilà. Et quand vous êtes un islamiste, si vous essayez de créer une structure, vous n'irez nulle part. En revanche, comme le cas là, si vous êtes sans étiquette, voilà, que vous faites du local et que vous avez différents réseaux, etc., vous allez pouvoir percer comme ce type a percé. Je veux dire, voilà, on a un mec qui est clairement un islamiste, c'est un islamiste, qui est maire d'une ville de 30 000 habitants en France. Mais il ne l'a pas fait sous la bannière de l'islam. Il a été beaucoup plus habile. Il a utilisé plutôt le relationnel, le côté figure locale, tout en s'insérant quand même, vous avez noté, hein, dans son parcours. Il s'est d'abord fait élire sur la liste du maire sortant, en 2014, avant de lui fausser compagnie en cours de mandat pour remettre la main sur la mairie. Mais il a quand même reçu l'onction d'un maire français... il est rentré dans le jeu comme ça, donc le mec était conseiller municipal, il était connu, bon, le mec a été crédibilisé comme ça. Donc, et le maire, et c'est très drôle parce que c'est presque une parabole, le maire s'est fait putcher par l'arabe de service qu'il avait recruté. Voilà. Et ça, c'est une leçon de politique. Et cet arabe de service, bah, c'est un islamiste. Et maintenant qu'il tient cette ville, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, ils n'avaient pas besoin de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que vous avez une ville de 30 000 habitants, avec toutes les infrastructures, ça suppose, qui vont accueillir des événements islamistes. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si l'OIF a envie d'organiser un truc, ou je ne sais pas, enfin, peu importe le mouvement auquel il adhère, bah, ils seront les bienvenus. C'est un point de chute. Alors, c'est pas le seul, parce que vous avez, comment dirais-je, dans certaines villes, socialistes notamment, à Lille, par exemple, vous avez un tel soutien de la part de Martine Aubry aux islamistes, qui n'ont, ils n'ont pas à forcer pour obtenir des salles, pour obtenir ce qu'ils veulent, hein, des subventions, etc. Au contraire, Martine Aubry est au petit soin avec les musulmans qui occupent l'île. Hein. Donc voilà. Des piscines aux heures séparées, notamment. Ah, ça avait fait polémique, je crois qu'ils sont revenus dessus parce que ça avait fait trop de bordel. Mais oui, tout à fait. Martine Aubry avait fait comprendre qu'elle était favorable à la mise en conformité de la loi islamique des piscines de la ville de Lille. C'est-à-dire que les femmes aient des horaires spécifiques. Les femmes musulmanes, je précise, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, quoi. Donc voilà. Donc voilà, bon, bah maintenant, on a des maires islamistes, voilà. Et notez bien, hein, je veux dire, la presse, l'Express en a parlé, mais ça ne fait pas les choux gras, hein. Ça ne fait pas les choux gras, hein. Imaginez s'il y avait eu un maire de notre sensibilité, vous voyez, connu pour être assez subversif, ou proche de nos milieux, qui auraient été élus. Mais je veux dire, la presse parlerait de l'infiltration des suprémacistes blancs dans les communes de France, vous imaginez, quoi. Là, grosso modo, à part le petit entrefilet de l'Express, y a pas grand-chose qui a filé. Hein. C'est les... Cinq ans après le Bataclan... Cinq ans après le Bataclan, vous pouvez faire élire un maire qui est objectivement lié au mouvement djihadiste. Voilà, vous pouvez. Et ça ne suscite aucune réaction médiatique ou autre. Ouais, c'est pas juste un musulman qui veut pas serrer la main des femmes, etc. Hein. C'est un type qui a envoyé des gens en Syrie. Ouais. Pour établir un voilà. Oui, pour établir le califat. Ouais, tout à fait. Très clair. Donc la filière de Lunel, c'est je crois que c'est dans le sud là, c'est ils étaient tous là-dedans. Donc ce type-là a fait partie de ça. Bon, déjà ça vous donne une idée de la ville. Hein. Oui. Ce type-là est élu. Il est à l'image de sa clientèle. Hein. Ça doit être très sympa quoi. Oui. Habiter, Il faut faire gaffe derrière soi, hein, surtout quand il fait nuit. Les rapports police-population doivent être au beau fixe, je pense. Ah oui, c'est sympa. Alors messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 26. Nous passons à la troisième rubrique, la salle juive de la semaine, et c'est Laurence Toubiana, qui est la lauréate. Je pense que la plupart de nos auditeurs ne connaissent même pas cette... Qu'est-ce qui se passe ? Oh, je crois qu'elle a déjà gagné elle a plusieurs étoiles, hein. Oui, Laurence Toubiana a libéré les nègres de prison. Enfin, elle a fait plein de choses. C'était. Ouais. Pas, je sais plus. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on apprend ? Bien, on apprend ceci. Hein, donc, ça a été, comment dirais-je, publié par l'Agence française de développement, dont le conseil d'administration est présidé par Laurence Toubiana, qui annonce ceci. L'AFD France soutient le Sénégal dans le contexte du Covid-19. Ressources à distance pour 1,2 million d'élèves en formation spécifique et 14 000 enseignants. Prise en charge de factures d'eau pour 670 000 ménages et factures d'électricité pour 975 000 ménages. Financement de centaines de TPE-PME. Le bilan de cette facture s'élève à 138 millions d'euros hein, pour régler la note d'électricité donc des nègres du Sénégal. Alors on doit cette décision à Laurence Toubiana, dont il n'est pas inutile de préciser qu'elle a été formée à la Ligue communiste révolutionnaire, qui était une organisation marxiste juive. Longtemps dirigé par Alain Krivine, aujourd'hui connu sous le nom de NPA, hein, Nouveau Parti Anticapitaliste, avec un gogoï pour la vitrine et amuser les gogos, en la personne de Philippe Poutou, mais c'est une organisation révolutionnaire juive. Et Toubiana est aussi la coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat. Vous savez, c'est le petit bidule créé par Macron pour faire 150 propositions reprises pratiquement telles quelles, à l'exception de la limitation à 110 km/h sur les autoroutes, et encore 2-3 autres gadgets, mais l'essentiel des propositions ont été faites, et grâce à ces propositions, vous allez gagner le droit de devoir complètement rénover l'isolation de votre domicile si par hasard vous êtes propriétaire d'un bâtiment ancien ou relativement ancien. Voilà, ça c'est grâce à Laurence Toubiana, vous allez aussi devoir cracher. Alors messieurs, 138 millions d'euros pour l'électricité des nègres, hein, bah, c'est encore une manifestation de la suprématie blanche. Hein. Derek, toi qui es sensible à la question des impôts, qu'est-ce que tu... Ah ben là, c'est directement, bon, du... comment ça s'appelle ? Du producteur au consommateur, hein. C'est... le blanc travaille, il produit des richesses, eh bien, il faut... Il faut les envoyer en Afrique, quoi. Ouais. Il faut donner de l'argent à Dieu. Oui. Les musulmans, en principe, je ne sais plus comment ils appellent leur impôt là, pour les dhimis, mais c'est bon. C'est pareil, c'est l'impôt pour Dieu. Quoi. Ben là, c'est pareil. Hein. Même si vous ne croyez pas en nègre suprême, vous paierez. Hein. C'est oui. Pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde pareil, et j'observe que dans ce dispositif, encore une fois, c'est une juive hein, qui... Ah, particulièrement hideuse. Hein. Oui, elle est très laide. Oui. De démon, hein, elle est démoniaque. Hein. Et apparemment, donc, cette trotskiste juive est une écologiste, hein, à ce qu'il semble, suffisamment en tout cas pour co-présider donc, les machins qui visent à établir le communisme vert en France. Hein. Donc vous avez compris. Alors ça, c'était très rigolo. Oui. C'est très rigolo, là, si on peut revenir de oui, bien sûr. Là, sur ce machin là. La Convention citoyenne pour le climat. Voilà, c'est-à-dire qu'on a tiré au sort des gus, on leur a fait passer devant des types pour leur dire bon ben voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que sinon on va tous mourir. Donc les types ont dit oui, allons-y. Ça me fait penser à. Comment ça s'appelle ce que préconise Chouard, je ne sais pas si vous vous souvenez de Chouard, le RIC et compagnie, oui. La convention citoyenne, etc. etc. Bon, le tirage les constituants. Les constituants. Ouais, voilà. Ouais. Surtout, bon. Surtout il a été convoqué par les juifs cette semaine d'ailleurs. Oui. Pour avoir douté pendant. Ah non, il n'a pas douté. Il a dit moi, les chambres à gaz, j'y connais rien. Mais c'est trop. Non, c'est trop. Ouais, c'est trop. Disons que c'est déjà le blasphème. C'est déjà remettre en cause. Oui, c'est comme les poupées russes. C'est la religion dans la religion. Il y a la religion du nez, mais quand vous. Ah oui, mais il y en a une autre. Vous voyez. Tu ne peux pas remettre en cause la permanence. Tout à fait. Donc notre ami Chouard s'est fait poisser. Mais effectivement, notre donc. Notre ami Chouard s'est fait poisser, mais son machin de tirage au sort. Bon, oui. Mais, si vous voulez, quand on a une populace qui est. Oui, comme disait Diabolique, il n'y a plus de réflexion, on est sur l'émotion permanente. Donc tu fais venir des types qui t'expliquent que si tu fais pas ci et si tu fais pas ça, on va tous mourir, et puis surtout les nègres, parce que les nègres, ils ont beaucoup souffert. Hein, ils souffrent beaucoup parce qu'ils sont cons. eh bien, tu as des blancs qui se disent, mon Dieu, c'est terrible, et puis bon, on fait voter ce qu'on veut, et puis Tchoubiana est très contente. Elle était pressentie pour le gouvernement, je ne sais pas si elle va y être. Oui. C'est très bon. Vous remarquerez, hein, on a un premier ministre gaulliste social. On envisage gaulliste social, c'est l'étiquette à la mode. C'est gaulliste social et des communistes révolutionnaires. On veut faire un mélange. Parfois, ça fait très CNR, hein, finalement, tout ça. Hein. Tout à fait, très CNR, tout à fait. Putain, l'alliance gaulo-communiste, elle est toujours là. Hein. Ben, c'est plus vraiment des gaullistes, c'est plus vraiment des soviétiques, mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la droite qui va aller dans le bon sens, hein, en te passant la pommade, et puis le juif derrière qui t'égorge. Tout à fait. J'ai une question. Laurence Tubiana. Ouais. Ce ne serait pas par hasard la fille du professeur Maurice Tubiana? Je ne sais pas. Ben, les Tubiana, si tu veux, il y en a un paquet, quoi. Chez les Juifs, c'est assez répandu. Oui, il y en avait un qui était très connu, qui était à la LICRA. Non, comment est-ce que je dis? La LICRA. La Ligue des Droits de l'Homme. Il passait sa vie à poursuivre les nationalistes, ou les identitaires, enfin, ou ce que vous voulez, quoi. Enfin, tout ce qui déplaisait aux Juifs, quoi. Il a passé sa vie à harceler les gens dans les tribunaux. Donc, ils sont liés, hein, je pense. Hein. C'est fatal, hein, ils sont liés. Oui, ce sont des cousins, probablement. Oui, très probablement. Hein. Constantine, voilà. C'est ça. Alors, voilà, bon, bah écoutez... C'est la bonne nouvelle fiscale de la semaine, j'ai pas pu m'empêcher d'en parler. Ça doit très certainement faire plaisir à nos auditeurs. Il faut toujours, voilà. Il faut souligner parce que vous payez tous, vous êtes tous payés pour l'électricité des nègres. Ouais. C'est sorti de votre poche à tous. Ouais. Il faut toujours donner le détail de ces trucs-là parce que les gens voient bien que le pognon est... Ouais. Ça part à tout le monde. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas trop moi, le prélèvement à la source, parce qu'on se rendait pas compte, on se rend pas compte, je veux dire, maintenant. Alors qu'avant, on voyait, on se disait, ah ouais, quand même, tous les ans, je paye pour les nègres. Là, ça passe un peu trop, j'aime pas trop ça. Bah, c'est pour ça qu'ils privilégient aussi les taxes. Les taxes, c'est beaucoup mieux que les impôts, tu le sens moins, c'est moins visible. Des petites virgules par-ci par-là, ouais. Hein, sur en fonction de telle activité. Ah, mais tiens, vous avez la contribution pour la solidarité avec le climat de... Ouais. Ce genre de conneries. Mais le top du top, c'est la TVA, en fait, parce que là, c'est absolument invérifiable. Ouais, tout à fait. Alors, messieurs, cette semaine, vous avez remarqué que la censure a frappé, la censure juive, hein, revendiquée comme telle d'ailleurs, par la LICRA et d'autres, et que Dieudonné Mbala Mbala, un humoriste que vous connaissez, a vu sa chaîne YouTube supprimée, hein, ainsi que sa chaîne Vimeo, Je ne sais pas ce qu'il en est pour Facebook, mais enfin bon, voilà. Dieudonné a perdu sa chaîne. Il touchait sur cette chaîne des centaines et centaines de milliers de personnes, régulièrement, quoi. Et les Juifs étaient vraiment très mécontents de voir le succès que conserve Dieudonné, surtout qu'il se livre à une espèce d'analyse comme ça, brûle pour point sur des faits d'actualité, et qu'il prend quand même soin hein, de compter les Juifs dans la salle, et ça fait toujours du bien. Et alors, bon, les Juifs s'en sont émus, et 3 jours après, la chaîne a sauté. Alors, ce personnage a écrit un article sur Charlie Hebdo. Alors voici cet article, c'est intéressant, il y a des éléments à discuter là-dessus. Dieudonné, supprimé de YouTube. Henri de Lesquin, chassé de Facebook. Et décidément, les temps sont durs pour les racistes et antisémites d'extrême droite. Plusieurs d'entre eux, dont Alain Soral, ont déjà migré vers des sites dits alternatifs, comme VK pour VContact, l'équivalent de Facebook en Russie. Et là, ils se lâchent, puisqu'il n'y a quasi aucune modération. Pour la première fois, le 8 juillet prochain, se tient une audience devant la 17e chambre pour des propos tenus par Soral sur ce réseau social. Ils tapent à longueur de journée sur les migrants, mais ils le sont devenus eux-mêmes, tout du moins des migrants virtuels. Et sur VK, un réseau où il n'y a quasiment aucune modération, ils se lâchent, c'est la foire aux propos antisémites et racistes. Il faut y faire un tour en apté, car on y découvre des propos nauséabonds qui théoriquement tombent sous le coup de la loi. La DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et à la haine anti-LGBT, a d'ailleurs opéré plusieurs signalements auprès du procureur de la République, et pour la première fois, Alain Soral, de son vrai nom Alain Bonnet, comparaît le 8 juillet devant la 17e chambre, poursuivi pour incitation à la haine pour des propos tenus sur VK en 2019, que l'on vous épargnera. Le délégué à la DILCRA, Frédéric Potier, hein, dit Tintin, pour ceux qui le connaissent, espère que la justice enverra un signal fort. Comme il n'y a aucune modération sur ce réseau social, il est d'autant plus nécessaire que la justice soit sévère, nous dit-il. Pas sûr que ce soit le cas, vu la mansuétude dont elle a fait preuve lors du procès en appel de l'essayiste d'extrême droite, donc Alain Soral. Il avait été condamné à 1 an de prison ferme pour contestation de l'existence de la Shoah, et finalement condamné à seulement 5000 euros d'amende en appel. Sur VK, on y découvre donc tout un tas de comptes d'extrême droite qui ont élu domicile. Ils y sont partis non sans oublier de le crier haut et fort. Ça fait partie de leur com, analyse Tristan Mendes France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé en culture numérique. Dieudonné avait ainsi annoncé sur Twitter en 2018 avoir ouvert un compte sur ce réseau russe, la faute à la censure dont il se disait victime ailleurs. Alain Soral a créé son compte ainsi qu'un compte pour son site Égalité et Réconciliation après que ses comptes Facebook ont été fermés par la plateforme américaine en 2017. On y trouve aussi les comptes de personnages comme Yvan Benedetti, de l'œuvre française, le négationniste Hervé Ryssen ou encore Boris Lelay, militant ultra-nationaliste breton évincé de YouTube et Facebook, condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Précisons qu'au-delà de nazis bien de chez nous, l'alt-right américaine avait aussi appelé à créer des comptes sur VK. Quel succès ! Pourquoi VK attire-t-elle autant cette fachosphère ? C'est d'abord symbolique. Un doigt d'honneur aux réseaux sociaux occidentaux, analyse Tristan Mendes France. Être sur ce réseau social russe, c'est ainsi affirmer sa fascination pour la figure de Poutine, qui correspond à la pensée autoritaire, masculiniste et homophobe de cette famille de pensée. VK, créé en 2006 par un certain Pavel Durov, est d'ailleurs dirigé depuis 2014 par des proches de Poutine. En revanche, cela leur enlève un élément important pour eux, la provocation, estime Tristan Mendes France. En effet, ils se retrouvent entre eux, tous d'accord dans leur haine et leur délire, mais cela peut aussi les entraîner dans une radicalité, une illusion qu'ils sont nombreux et qu'aucun propos n'est interdit, estime-t-il. VK, c'est un espace où le surmoi est beaucoup plus faible, raille Mendes France. D'ailleurs, il est intéressant de chercher le profil VK de militants politiques pour comprendre qui ils sont vraiment. C'est ce qu'a fait le chercheur, il a découvert que la tête de liste RN au municipal à Villepinte postait sur VK des contenus à caractère raciste ou antisémite, comme une vidéo selon laquelle le coronavirus aurait été mis au point par les Juifs. Le RN, lui, a finalement retiré son investiture. Évidemment, il faut toujours faire confiance à Marine Le Pen pour se coucher devant la juiverie. Terminons par un motif de satisfaction. S'ils sont partis sur ce réseau social, ces figures d'extrême droite n'y ont pas emmené avec eux tous leurs fans. Soral lui-même compte très peu d'abonnés. Au bout de 2 ans de présence, il en compte à peine plus de 300. Alors non, non, Alain Soral compte des milliers et des milliers d'abonnés. Vous pouvez vérifier vous-même sur son compte. Donc là, je ne sais pas d'où il sort ça. Benedetti même, même pas une cinquantaine. Le compte VK de Égalité et Réconciliation compte un peu plus de 5000, loin des 3 à 4 millions de visites mensuelles du site. Et ce, alors que le site lui-même renvoie vers le compte VK. De quoi relativiser un peu le succès de cette fachosphère. Beaucoup de leurs vues reposent sur les algorithmes sur YouTube, Twitter et Facebook, qui leur permettent d'avoir une visibilité au-delà de ce qu'ils représentent, explique Tristan Mendes France. Le roi est nu quand ils sont sur VK. Mais les sites alternatifs sont nombreux, les moines soldats des figures de l'extrême droite, prêts à essaimer sur toutes les plateformes possibles. Ainsi, après VK, c'est le réseau Gab, créé en 2016, basé au Texas, créé spécifiquement pour proposer une alternative à Twitter ou Facebook, qui est maintenant utilisé par des groupes néo-nazis. Dans un autre style, BitChute, lancé également en 2016 comme alternative à YouTube, basé au Royaume-Uni, recueille maintenant, entre autres, des vidéos de Dieudonné. Alors, voilà, c'est un article de Charlie Hebdo. Très soucieux du sort des migrants, hein, comme vous l'avez compris. Pourtant, ils ont eu des petits déboires, hein, dans le passé avec des migrants. Charlie Hebdo, c'est intéressant parce que on parle justement de liberté d'expression. Je suis Charlie et non, bah en fait non. Bah non. Ah non, hein. Pas pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quel point vous retenez de tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Vas-y. D'abord, sur le fond, c'est vrai que cette semaine, c'était un peu tendu. Ils ont quand même accéléré les choses. On a parlé de Dieudonné, effectivement. Son YouTube est supprimé. Il y a beaucoup de chaînes YouTube francophones et anglophones qui ont été supprimées. YouTube, c'est dirigé par une juive, hein, d'ailleurs, je préfère le préciser, qui ont modéré des contenus de suprémacistes blancs. Alors, moi, je suis allé voir les contenus en question. C'est pas trois pattes à un canard. Facebook, ils ont décidé, alors c'était quoi les termes? Je crois que c'était de modérer les contenus haineux, donc ça peut tout dire et rien dire. Ouais, enfin, c'est pas comme Facebook, si. Du coup, de. Ouais, je voulais dire, c'est pas comme s'ils le faisaient pas déjà depuis des années, hein, je veux dire, franchement. Oui, voilà, ils ont encore resserré la vis, hein. C'est impossible d'utiliser à nouveau ce réseau social, sauf si c'est pour partager des photos de chats, d'accord? Mais sinon, parler de politique, c'est complètement insipide parce qu'on ne peut rien dire. Du coup, sur Facebook, il y a la page officielle d'Henri de Lesquin qui a sauté, enfin plutôt qui a sauté, et aussi la page, donc Dieudonné essaie de revenir en douce sur YouTube, ça a ressauté, il a décidé de basculer sur Vimeo, qui est une plateforme de contenu vidéo alternative, et sa chaîne a sauté dans la foulée, donc là je pense qu'il y a quand même une concertation, c'est-à-dire c'est quand même pas un hasard que tout saute en même temps, c'est-à-dire que la stratégie qui pouvait être mise en place, c'est-à-dire c'est... Je suis présent sur un réseau, si jamais ça saute, j'ai quand même un petit backup. Donc ces gens-là se sont parlé entre eux, d'ailleurs tout ça est dirigé par les juifs. Moi ça m'a fait rire effectivement, enfin rire, hein. C'est un rire un peu cynique. Je reviens là-dessus, c'est la liberté d'expression de Charlie Hebdo, oui bien sûr, en fait c'est une liberté d'expression quand t'es d'accord avec les gauchistes. Sinon t'as la liberté de fermer ta gueule. Et en fait le juif maintenant il pousse, le juif Tristan qui nous écoute, et on t'emmerde Tristan d'ailleurs, je tiens à préciser. Le juif en fait il gagne à tous les plans. C'est-à-dire que soit il censure et du coup bon il a gagné sa partie, pile le juif gagne et face le goy perd, c'est-à-dire qu'on te laisse quand même t'exprimer sur des réseaux alternatifs et donc du coup bah là par exemple pour Soral il va avoir le droit à un petit procès parce qu'il a trop parlé de je ne sais quoi, de toute façon les juifs trouveront toujours un truc même s'il n'y a rien. Ouais, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans une case, dans une cage plutôt, hein, avec ses fidèles les plus les plus réguliers, hein, qui vont s'inscrire sur VK parce que bon il y a pas grand monde dessus, et même là on va voir ce qu'il raconte pour les foutre des procès, quoi. C'est vrai que c'est assez diabolique de la part de ces juifs. Oui, parce que en fait bon, Facebook, c'est globalement un réseau social, on va dire, de grosso modo de boomers, en gros. Hein. Vous allez trouver quand même beaucoup de gens de 50 ans, 60 ans, sur ce réseau social, avec les tendances qu'alimentent ces gens. Mais les jeunes ne sont pas sur Facebook, très très peu. Donc vous n'avez, si vous regardez les commentaires, sur les news, les trucs, vous allez trouver grosso modo les opinions des boomers, quoi, en gros, à peu près, quoi. Bon, ça, c'est une chose. Donc là, ils ont opéré un nettoyage politique qui a été commandité, effectivement, par les juifs, c'est très clair. Et bon, il n'y a plus vraiment de figure alternative sur Facebook, ce qui fait que bah, c'est un réseau social très, très, très, très fade, en fait. Hein. Il ne s'y passe pas grand-chose. Vous allez peut-être trouver des news lambda, des vidéos de chats ou des trucs comme ça, mais vous n'allez pas trouver véritablement de contenu subversif puisqu'ils sont tout simplement censurés. Sur YouTube, c'est quand même un peu plus compliqué puisque YouTube reste une plateforme extrêmement populaire. C'est la principale plateforme de vidéos, donc il y a beaucoup de jeunes sur cette plateforme. Donc c'est vrai que c'est plus gênant. Ceci étant dit, en fait, ce qu'ils censurent, ils censurent les chaînes qui sont créées au nom de leur créateur. C'est-à-dire que si vous créez une chaîne Alain Soral, par exemple, on va estimer que vous êtes le propriétaire, donc on va la faire sauter. En revanche, si vous créez un compte, Blanche-Neige et les Sept Nains, je dis n'importe quoi, Blanche-Neige et les Sept Nains, et vous postez une vidéo de Soral, la censure ne s'opérera pas parce qu'en fait les équipes de modération ne perdent pas leur temps à aller chercher chaque vidéo individuelle. C'est pas ce qu'ils font. Ils le font pas encore. Je dis pas qu'ils ne le feront pas dans le futur, mais je dis qu'à ce stade ils ne le font pas. Donc si vous uploadez une vidéo comme ça sous un compte qui n'est pas officiellement lié à la figure publique qui est visée ou à son association, elle restera en ligne. Elle pourrait même faire 100 000, 200 000 vues. En fait, parce qu'en fait, c'était quoi l'idée d'avoir un compte ? Vous en postez deux ou trois, par contre, ça arrive de. Bah, en fait, le truc, c'est ouais. Ça. Le truc, en fait, c'est. C'est flou. Il n'y a pas de règle. C'est ça qui est emmerdant. Oui, enfin, la règle, on l'a compris. C'est ce qui déplaît aux juifs. Donc, on voit à peu près ce qui est concerné. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif de YouTube, enfin, à l'origine, c'était de créer une chaîne personnelle et d'accumuler des abonnés. Étant entendu que les abonnés reçoivent une alerte à chaque fois que vous publiez une vidéo, donc viennent la voir beaucoup plus rapidement. Donc vous créez en quelque sorte votre public. Voilà, vous créez un public fidèle, voilà, grâce à l'abonnement. Du moins, c'est la stratégie. En réalité, moi, quand j'utilise par exemple YouTube, je regarde jamais. J'ai quelques abonnements, je regarde jamais ce qui s'y passe. Vous voyez, certains le font, mais je suis pas sûr que beaucoup de gens le font. Donc, si vous avez des comptes comme ça avec des pseudonymes, mais donc avec pour objectif de poster le contenu et que le contenu soit disponible sur YouTube, c'est parfaitement faisable encore aujourd'hui. Ce que vous n'allez pas pouvoir faire, c'est accumuler effectivement des abonnés parce que votre chaîne, au bout d'un moment, elle sera neutralisée. Mais regardez, Hervé Ryssen, par exemple, n'a pas de chaîne Hervé Ryssen. En revanche, il y a quelques chaînes qui diffusent ses vidéos et qui ne sont pas du tout à son nom. Bon voilà, et si demain elle saute, bah, c'est pas grave, il y en a une autre qui sera créée. Donc, je veux dire, la capacité c'est une capacité de parasitage, dirais-je, mais pas réellement de censure totale. Ça c'est le premier point. Ça c'est pour YouTube. Donc Facebook, YouTube. Et alors maintenant, je viens sur les alternatives. Alors Gab en France n'est pas très développé. C'est pas un médium qui est très utilisé. C'est une copie en fait de Twitter. Qui n'est pas sans qualité, je veux dire, bon, graphiquement, c'est assez agréable à utiliser, mais il y a Twitter, donc à partir de là, c'est pas une plateforme qui a vraiment fonctionné. Et Twitter, je dois le dire aussi, il y a de la censure sur Twitter, mais la censure est quand même relativement moindre sur Twitter. Il y en a, mais elle est moindre. Il y a d'ailleurs des pays où elle est plus forte, d'ailleurs. Donc il est encore possible pour beaucoup de gens sur Twitter, de nos tendances, si on veut, de poster. Ils peuvent encore participer sur Twitter quand même, mais il y a de la censure, et surtout, ce qui cible, c'est les noms de comptes sur Twitter. C'est-à-dire que si vous êtes une figure publique, ou si vous êtes un gros compte, c'est-à-dire vous êtes un compte sur Twitter et vous êtes vraiment identifié comme influent, même sous pseudonyme, là on vous le fera sauter systématiquement. Donc il y avait le cas de Kim Jong-un, par exemple, il y avait aussi il y a toute une série comme ça de personnes sur Twitter qui étaient très connues, très suivies. Henri de Lesquin, hein. Et Henri de Lesquin, voilà. Ça fait suicider de multiples fois sur Twitter, même en étant masqué. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, c'est paradoxal. Donc en fait, le ciblage sur Twitter, il est beaucoup plus individualisé. En revanche, les contenus restent quand même assez facilement communicable sur ce réseau. Il y a finalement pas tellement de censure à ce stade, je trouve. Il y en a, mais comparativement à Facebook, c'est quand même moindre. Donc, Facebook, ça me paraît totalement inutilisable à ce stade. Totalement inutilisable. D'ailleurs, c'est même pas forcément très porteur, je trouve. YouTube reste nécessaire et il est encore possible de s'en servir. Simplement, vous ne pourrez pas créer une chaîne à votre nom ou au nom de votre association, quelque chose à caractère d'officialité, ça sera immédiatement détruit. Mais vous pouvez quand même continuer à mettre des vidéos. Et de la même façon, sur Twitter, vous pouvez mettre du contenu, mais si vous émergez, si vous créez une marque, si vous créez un nom, et que vous émergez, et qu'on vous connaît, et que les juifs veulent vous sucrer, à ce moment, à votre compte, il sera sucré. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on évolue. Et sur ce, existe VK. Moi, je trouve que ça a le mérite d'exister, VK. Je veux dire, ça permet de garder un point de ralliement à tous ceux qui se demandent ce qui se passe. Donc, si vous avez, si vous avez une annonce à faire ou quoi, au moins vous pouvez le faire sur VK et l'information va circuler assez vite. Voilà. Donc, je trouve que ce réseau social a le mérite d'exister. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde dessus, mais il y a quand même des gens. Je veux dire, c'est pas non plus totalement désert. Il y a quand même un certain nombre de gens qui sont sur le réseau. Ce n'est pas totalement nul. Donc, si des gens veulent avoir un réseau social où ils savent qu'ils ne seront pas censurés, c'est vrai que VK offre ça. C'est vrai, c'est quand même très positif. La preuve, prenez quelqu'un comme Vincent Renoir, qui est complètement censuré, bâillonné. C'est quelqu'un qui peut s'exprimer, qui communique principalement avec son public, ses lecteurs, ses fidèles, grâce à VK. VK lui permet d'exposer ses différents travaux révisionnistes. Donc, sans VK, le pauvre Renoir, je ne sais pas sur quelle plateforme il se situerait, il y en a d'autres, mais je ne sais pas sur laquelle, quoi, il pourrait opter, quoi. Donc voilà, c'est une plateforme qui a le mérite d'exister, donc je recommande quand même de l'utiliser. Ce n'est pas inutile, voilà. Mais oui, il y a clairement un serrage de vis encore plus grand, et ça les emmerde, on voit, hein, vous voyez, hein, en fait, voilà, c'est-à-dire que, vous avez vu, Soral s'en est plutôt bien sorti finalement après sa peine de prison, le CRIF a hurlé, la LICRA a hurlé, l'UEJF, enfin tous les juifs ont hurlé, bon, ils vont encore l'emmerder parce qu'il a déclaré quelque chose sur VK, c'est pas VK qui le censure, ou c'est simplement les juifs qui vont jusque là-bas l'emmerder, quoi. Quelqu'un veut-il rajouter? Je vais peut-être parler des alternatives. Vas-y, je parlerai des alternatives après. Vas-y. En fait, il y a quelque chose qui m'énerve, mais à un point phénoménal. Bon. Je parle des smartphones d'une certaine gamme de prix, parmi les plus chers. Quand tu achètes un smartphone, automatiquement, ça ne rate jamais. Tu te retrouves avec Twitter, tu te retrouves avec Facebook, tu te retrouves avec YouTube. Et le problème, c'est que tu ne sais pas les enlever. Alors, moi, je suis désolé, mais à la prochaine commande, je veux bien cracher du pognon, c'est pas un problème. Par contre, les iPhone, les Samsung, les HTC, les Huawei et tout le reste, je veux bien payer les trucs, mais à une condition. Ils me dégomment définitivement de leur application, c'est merde. Je n'en veux pas. Je n'ai absolument pas envie de payer indirectement des royalties à ces entreprises qui ne sont que des organes de censure. Et si je le fais, si demain on est plusieurs à le faire et si ça commence tout doucement à faire boule de neige, j'aime autant vous dire que au Japon, en Corée, en Chine, il y en a qui vont commencer à fameusement s'inquiéter. Alors, il existe des alternatives, j'ai envie d'en parler. Donc, j'ai parlé de VK, donc pour alternative à Facebook, mais qui est une alternative relative, puisque vous ne pouvez pas créer, si vous voulez, d'effet viral de masse, à la différence de Facebook. C'est un fait. Mais comme j'ai dit, VK offre un avantage, c'est que vous pouvez rester en contact avec vos amis ou les gens qui vous connaissent, enfin peu importe l'utilisation que vous en faites, mais vous pouvez rester encore parce que vous savez que la plateforme ne va pas supprimer vos comptes. En tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est un vrai avantage. Donc moi je suis content que les Russes mettent ça à disposition d'un public français et francophone. ça nous permet quand même d'avoir ce point de chute. Mais ça n'a pas du tout la même influence, ça, c'est un fait. Pour ce qui concerne les plateformes vidéo, parce qu'en fait, vous pouvez mettre des vidéos sur YouTube, comme j'ai dit, mais si vous faites de l'archival, enfin, si vous faites vraiment beaucoup de vidéos, et que vous voulez les conserver, effectivement, là, ça devient problématique, parce que YouTube peut supprimer votre compte et toute son histoire. Par exemple, je sais plus, enfin, il y a un type qui s'appelle Molineux, je sais pas si vous connaissez ce mec-là. Il s'appelle Molineux, c'est un Américain, il fait des vidéos. Ouais, Molineux, il avait, je crois qu'il avait 14 ans de vidéos sur YouTube. Le mec s'est retrouvé à amalgamer à un nationaliste blanc, ce qu'il n'est pas. Il l'est pas. Hein. Il a été désigné comme tel et ils ont supprimé sa chaîne. Alors que le type est juste je sais pas comment vous dire, une espèce d'électron libre. C'est plus nationaliste athée, ouais. Libre penseur, voilà. C'est, mais en fait, il a juste eu le malheur de parler des questions que sont intellectuelles. Ah bah voilà. Voilà, c'est ça. Donc lui, il a perdu 14 ans de vidéos. Donc là, ceux qui font ce type de vidéos vraiment régulièrement, ou quelqu'un comme Dieudonné, Mbala, qui en produit très régulièrement, la question qui se pose, c'est comment j'archive mon contenu. Où je peux archiver mon contenu. Et il y a des alternatives. Alors, BitChute revient souvent, en fait, parce qu'ils ont été pratiquement les premiers à créer leur plateforme en peer-to-peer. Bon, ça a le mérite d'exister. Moi, je suis pas forcément un grand fan de BitChute. Je trouve que l'interface n'est pas très aboutie. Je suis pas franchement enthousiasmé. Mais bon, il n'y a pas de censure. Jusqu'à, en tout cas, autant que je sache, il n'y a pas de censure. Donc, vous pouvez faire des vidéos, les poster, elles ne seront pas supprimées. Donc, bon, je cite quand même BitChute. Il y a une plateforme qui me paraît beaucoup plus aboutie techniquement, c'est BitTube. Qui fonctionne aussi en pair à pair, elle est peer-to-peer, donc elle est plus agréable d'utilisation. Il y a des petites options sympathiques. Par exemple, vous avez un système de monétisation intégré, vous avez un chat intégré, vous pouvez chatter avec les gens qui s'abonnent à votre chaîne, ça c'est quand même sympa. Vous pouvez discuter directement comme sur Facebook, hein, avec ceux qui regardent vos vidéos. Bon, bah ça crée un lien, c'est sympa. Et elle est vraiment bien faite, quoi. Donc moi je recommande BitTube. Et il y en a une autre qui est encore mieux. Ça s'appelle lbry.com. Lbry.com. Je sais pas s'il faut dire Lbry ou je pense que c'est l'idée, c'est de c'est pour library, je pense, librairie. Ouais, librairie. Ouais. Donc, ce site-là, en fait, il n'y a pas de serveurs centraux. Contrairement à BitChute et contrairement à BitTube. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous téléchargez... Bon, il existe une version en ligne, hein, mais vous, normalement, idéalement, vous téléchargez une interface, exactement comme vous téléchargez une application, peu importe laquelle, sur votre PC. Et... pour accéder au contenu, vous ouvrez votre application. Un petit peu comme quand vous cliquez sur, je sais pas moi, Firefox, c'est exactement comme ça, ça s'ouvre. Et là, vous avez vous avez vos vidéos et vous pouvez télécharger. Un peu comme, si vous voulez, un client de torrent. C'est un peu la même idée. Donc, vous n'avez pas besoin des serveurs centraux. Tout le contenu est hébergé chez les membres. En fait, qui ont téléchargé l'application et qui l'utilisent. Exactement comme pour les sites de téléchargement, c'est hébergé par tout le monde. Et ça contourne radicalement la censure. Donc c'est vrai que dans la durée, si vous voulez, parce que, je sais pas, on peut imaginer que BitTube mette la clé sous la porte, j'en sais rien, quoi. En revanche, dans ce cas-là, non, en fait, ça reste hébergé chez tout le monde. Donc ça mérite d'être mentionné. Et là, le contenu ne sera pas censuré. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vraiment tout, voilà, vous ne serez pas censuré. Donc, lbry.com, BitTube et BitChute. Les trois technologies fonctionnant sur le principe du peer-to-peer, comme pour le téléchargement de films ou de jeux vidéo. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les vidéos. Moi, je recommande, je veux dire, quelqu'un comme Dieudonné, par exemple, qui est très connu, il doit utiliser sa notoriété pour emmener le public sur des plateformes alternatives. C'est important. Et qu'il investisse vraiment du temps marketing là-dedans, en disant, voilà, les gars, il y a des alternatives à YouTube. Il est possible de faire des choses très bien sur d'autres plateformes que YouTube. Voilà, c'est possible, c'est faisable. Moi, je suis sur tel truc. Je suis sur BitTube, par exemple. Ça serait très positif, parce qu'à ce moment-là, les gens commenceraient à se familiariser avec d'autres plateformes, d'autres gens se mettraient à poster du contenu, et si vous voulez, sans, évidemment, contester la domination de YouTube, parce qu'il y a tellement de contenu sur YouTube généraliste que, bon, c'est sûr que c'est une plateforme qui est très puissante, mais il existe quand même des moyens alternatifs de mettre des vidéos en ligne, de les archiver en toute sécurité. Voilà, donc j'ai donné ces trois alternatives. Voilà, et donc il est quand même possible d'être présent. Il est possible d'être présent. Après, il y a beaucoup de gens, si vous voulez, ils ont le nez collé sur le nombre de vues. Vous savez, il faut faire 200 000, 300 000. Moi, je suis, comment dirais-je, le nombre de vues, ça compte, mais la qualité du public, ça compte davantage à mes yeux. C'est-à-dire que plutôt que de faire 300 000 vues avec des gens qui vont passer une vidéo de, je sais pas, une vidéo Google sur autre chose, voilà, ils sont passés sur... Bon, c'est bien, mais si vous arrivez à créer un public sur un média libre et que vous n'allez pas faire 300 000 vues, mais que vous allez peut-être faire 30 000 vues, 40 000 vues, c'est très bien déjà. Si vous avez une totale liberté de parole, c'est très très bien. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser aveugler par le nombre de vues pour le nombre de vues. Je ne suis pas totalement acquis à cette idée-là. La preuve en est, nous-mêmes ici, on a fini par créer notre propre site pour pouvoir héberger nos émissions, tout simplement. Parce que sinon, on était sur YouTube au départ. Hein. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, on était sur YouTube. Bon, on n'est pas resté très longtemps, hein. Mais on est resté sur YouTube. Voilà. Bon, vous me pardonnerez, j'ai été un petit peu long. Mais j'encourage tous ceux qui veulent héberger du contenu à utiliser les plateformes que j'ai citées. Voilà. Allez-y, faites émerger des alternatives. Voilà. Parce qu'on en a besoin. Quelqu'un veut-il dire quelque chose d'autre sur tout ça, monsieur ? Ouais, j'aimerais rajouter une dernière qui est un peu plus confidentielle, qui marche très bien. J'ai déjà testé à nombreuses reprises, c'est archive.org, ouais, qui permet d'héberger du contenu vidéo, audio, même du texte d'ailleurs. Et j'ai rarement vu, voire quasiment jamais vu, de censure là-dessus, même pour du contenu qui était très très radical. Donc ça peut être sympa. Mais sinon, là, je voulais peut-être aussi en profiter pour m'adresser aux gens qui nous écoutent, juste aux gens qui font du contenu. Il y a peut-être aussi des gens qui n'ont pas le temps de créer du contenu et ils aiment bien tel ou tel contributeur. Je crois que c'est aussi notre responsabilité à tous. Si on aime bien, je ne sais pas, les vidéos de Rissen, par exemple, ou un autre, c'est aussi notre responsabilité, je pense, à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau contenu, de le populariser un peu partout, d'en faire des archives, des sauvegardes, parce qu'on sait qu'à un moment ou un autre, tout ça va sauter, c'est éphémère. Et il faut toujours qu'il y ait du contenu comme ça, qui soit mis un peu à droite à gauche. Et je pense que le contributeur, lui, ne peut pas gérer tout seul, c'est pas possible. Donc il faut que nous aussi, on l'aide, quoi. Oui, d'ailleurs, s'il y a des gens qui font du... Enfin, n'hésitez pas à nous suggérer des contenus, je parle à nos auditeurs, suggérer des contenus. Si vous avez des vidéos de qualité, vous dites ça, c'est vraiment une bonne vidéo, n'hésitez pas à la suggérer à notre équipe par email. On peut totalement la répercuter si on estime que voilà qu'elle est pertinente, bien sûr. Mais je veux dire, on n'est pas du tout contre la promotion de ce que font, que ce soit des... Enfin, peu importe d'ailleurs le type de choses qui est produite, mais ça ne pose pas de problème hein, en termes de mise en avant. Hein. On publie souvent les vidéos de Rissen, on publie les vidéos de Jérôme Bourbon lors de ses entretiens. Comment dirais-je, on publie aussi les vidéos de Renoir, bien évidemment. Sa série récente sur Oradour était très intéressante. Voilà, mais il y a sûrement d'autres créateurs de contenu qui pourraient tout à fait être mis en avant, bien sûr, hein, tout à fait. Oui. Le Grand Monarque aussi, qu'on cite des fois, quand il y a une vidéo. Donc, entre autres, je veux dire, l'idée, c'est voilà, d'essayer de mettre en avant des gens qui, justement, se servent de plateformes alternatives et qui essayent de faire passer un message qu'on essaye de les empêcher de faire passer. Voilà. De Lesquin, je ne sais pas où il produit ses vidéos, lui, maintenant. Il a toujours un compte YouTube ? Je crois. Il y a un truc pour les lives que je ne connais pas, qui n'est pas YouTube. Alors justement, ça c'est bien que tu en parles. BitTube permet de faire des lives. Moi, pas... il me semble des lives, je crois, on n'a entendu parler des lives. Il y a des lives aussi, mais je connais ce truc-là. Ah là, par contre, je veux dire, autant BitTube, il s'engage contre la censure, autant sur des lives, Regardez Twitch, hein. Twitch maintenant aux États-Unis, c'est simple, tout ce qui n'est pas intersectionnel est viré. Hein. Ils ont même viré Trump de ouais. Twitch, qui pourtant n'y est pas. Bah si, il avait un compte, mais il s'en servait pas, je crois, ou très peu. Enfin, ouais, voilà, bon. Il est que... inexistant, quoi. Ouais, ils en ont créé un pour des raisons de... pour occuper le terrain, mais voilà, Twitch, c'est vraiment... ils ont carrément recruté, et je ne blague pas, hein, aux États-Unis, ils ont recruté pour guider la modération, entre guillemets, donc la censure, ils ont recruté un juif transsexuel qui s'habille en poney. Un truc comme ça. Pardon ? En poney, en animal, je sais pas quoi, une espèce de... Ouais, ouais. Quelle plateforme ? Twitch. D'accord, ah oui, le truc des jeux. Ouais, donc aux États-Unis, c'est un juif transsexuel qui gère le truc maintenant. Et voilà, enfin, c'est... Vous voyez les tarés transsexuels, on en met quelquefois sur le site, là. Ouais, bah, ça, c'est ce qui gère la modération aux États-Unis, avec une étoile de David en plus. Voilà, bon, ces plateformes, c'est mort. C'est... TikTok aussi, hein, ils font de la censure. Hein. Il y a eu, il y avait des gens qui s'étaient amusés à faire de la... à remettre en cause, enfin faire des petits clips musicaux avec une petite remise en cause sur l'Holocauste, elles ont sauté. Hein. C'est... Voilà, hein, c'est clair. Donc voilà. Donc je disais, hein, sur BitTube, il y a possibilité de faire des lives aussi. Il n'y a pas que YouTube qui permet, il n'y a pas que Facebook qui le permet. Il y a aussi BitTube. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la chasse aux sorcières? Ok. Donc, très important, hein, ce que tu avais dit, Pierrot, c'est un article de Charlie Hebdo. Ouais. Hein. Je vais lâcher un petit point quand même. Ouais. Parce que Soral, il a été dit qu'il a pris 5000 euros au lieu de je ne sais plus combien de prison. Ouais. On en parlait un petit peu à la fois bon, hors émission. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui veulent sauver les juifs d'eux-mêmes à vouloir... Oui. Voilà. Là, tu veux parler de la décision de justice en elle-même, là, hein, pour le coup. Ouais, de la décision de justice en elle-même, de la sauce à laquelle on est cuisiné. Donc, c'était prévu d'envoyer ça à l'entole, mais bon, vu qu'il a une audience quand même... de gens qui sont pas peut-être oui enfin, qui peuvent être passablement énervés si Soral est en tôle. Oui, oui. Un risque est, enfin, disons qu'il est, il a une espèce d'assurance. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Et bon, tu as des Tristan Mendes et tous les. Enfin, la gauche juive, là, la Icard, la Dilkra, Potier, Clavreux, enfin, toute cette merde, Valls. Hein, Bah, le printemps républicain, quoi. Voilà, voilà, le printemps juif. Républicain, qui eux ont toujours été pour nous foutre la tête dans l'eau et nous noyer. Hein, alors que ce qui se passe, c'est plutôt la serviette. Hein, on nous attache, on nous met la serviette, on nous mouille, et puis bon, on nous lève. On ne nous noie pas vraiment, mais on nous. Hein, juste un petit peu, pour te garder à un stade où tu. Bon, tu vas pas. Il va pas y avoir de choc par rapport à ton public, mais quand même, on t'emmerde. Hein, voilà. C'est une bonne interrogation que la tienne. Parce que oui, il faut revenir là-dessus. Alors pour ceux qui auraient loupé un épisode, donc Alain Soral a été condamné, je sais plus, l'année dernière, hein, c'était fin 2019. Hein. Il a été condamné à un an de prison ferme pour, je ne sais même plus quel était le propos. Bon, ça avait déplu aux juifs, hein, comme d'habitude, et il avait été condamné à un an de prison ferme en première instance. Verdict. Qui avait déclenché un appel de la part du parquet, puisqu'il y avait un mandat de dépôt. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du droit, mandat de dépôt, ça veut dire que vous êtes immédiatement placé en état d'arrestation à la sortie du tribunal et envoyé à la maison d'arrêt où vous devez être interné, quoi. Donc l'emprisonnement devait être effectif immédiatement. Quand il n'y a pas de mandat de dépôt, ça veut dire qu'on va vous renvoyer vers un juge des libertés pour un aménagement de peine, en fait. On va vous foutre un bracelet, etc. Bien. Dans le cas d'espèce, le parquet avait fait appel en disant qu'on ne pouvait pas requérir un mandat de dépôt alors qu'il y a un appel. Il allait probablement y avoir un appel, mais on peut pas mettre un mandat de dépôt pour un délit visé par la loi sur la presse de 1881, qui a été complètement charcutée par les juifs et les marxistes au fil des décennies, en fait, qui est une loi, en fait, c'est une loi qui organise la censure en France, mais il reste quelques vestiges, on va dire, de son esprit originel, qui était libéral. D'ailleurs, la loi originelle de 1881 était, dans les grandes lignes, identique à ce qui se fait aux États-Unis aujourd'hui en termes de liberté d'expression, je veux dire, au plan juridique. C'était tout aussi libéral. Mais progressivement, les marxistes et les juifs ont saccagé cette loi, ont ajouté différents alinéas, etc., pour la rendre complètement difforme, mais de telle façon qu'elle puisse permettre de persécuter des opposants. Donc, parmi ces alinéas, il est prévu effectivement que, enfin, il est dans la pratique du droit, il est entendu que ce type de délit ne peut pas entraîner d'internement immédiat. Or, il avait été demandé par le juge. Et le parquet, donc le gouvernement, a senti que là, c'était trop. Et on a vu Jakubowicz de la LICRA, on a vu le CRIF, on a vu, enfin, vraiment toute la juive iranienne hurler devant la décision du parquet, c'est-à-dire du gouvernement, des autorités. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi interviennent-ils? Alors qu'ils étaient effectivement, ils faisaient qu'appliquer le droit. Mais ils ont pris l'initiative. En réalité, l'avocat d'Alain Soral, je pense qu'en la matière c'était maître Damien Viguier, je crois, aurait fait appel de toute façon. Il aurait dit, attendez, c'est complètement illégal, vous pouvez pas envoyer en prison mon client pour un délit qui tombe sous le coup de la loi de 1881, c'est pas possible. Donc c'est le parquet qui a pris l'initiative. Donc c'était assez marquant. Et vient donc le procès en appel, où les juifs escomptaient bien avoir cette peine de prison ferme, confirmée, et ils en ont été pour leurs frais, comme tu l'as très bien dit. Soral s'en retire avec une peine de 5000 euros d'amende, je crois. Et c'est un désaveu cinglant infligé à la juiverie. Cinglant, parce que passer d'un an de prison ferme en première instance à 5000 euros d'amende en appel, c'est un désaveu considérable. Et ça ne peut pas ne pas avoir été discuté longuement par les magistrats. Alors, il y a ça, et je me permets de te couper pour mettre ça en rapport avec un autre fait qui a été il y a quelques semaines qui s'est passé, dont on a parlé, c'était le retoquage de la loi Avia par le Conseil constitutionnel. Oui. La loi Avia, c'était Dieu est descendu, Jéhovah descendu, rien ne se passe sans que la synagogue donne son aval, ou sinon on enlève tes enfants et on te les tue. Enfin, pas toi, mais l'acteur privé du numérique. C'est en gros les types étaient mis en otage. Bon, c'était écrit, enfin, c'était fait par le type là, du CRIF, là, Taïeb. Taïeb, ouais. Porté par la prête-plume, pour le coup. Porte-document. Porte-document. Non, mais on dit plus nègre, tu sais, pour les écrivains, on dit ouais. Culte. Ah bon? On dit prête-plume. Ouais, c'est prête-plume. Donc, ah, moi je dis nègre. Prête-plume. Oui, bien sûr. Mais pour le coup, elle, c'est l'inverse d'un prêt de plume, pour le coup. Bref, donc Laetitia Avia avait soi-disant avait travaillé entre guillemets hein, oui. pour faire passer cette loi très bien écrite et 80% du truc a été foutu à la poubelle par le Conseil constitutionnel. À commencer par le premier article. Hein, bon. c'est bon, c'est merveilleux. Quoi. Donc oui, est-ce que certaines personnes auraient compris que que les Juifs ont monté l'antisémitisme. Bah ouais. Bah moi quelque part je suis un petit peu déçu, tu vois. Je m'attendais à ce que j'aime bien quand ils sortent les dents et puis tu vois qu'ils sortent dans la rue, ils un Juif qui te dit je veux te tuer, c'est très bien, tu vois, on le voit, c'est pareil. Ouais. Et je pense pas, alors pour le coup, je pense pas que ce soit eux qui, que ce soit les Juifs qui soient à l'origine de ça. Et avec leur, bon, on va voir ce que ça donne avec le nouveau gouvernement. Mais ouais. Voir les vieux fonctionnaires gaullistes, etc., débarquer aux premières loges. Sans mauvais jeu de mots, ouais. C'est la loge, quoi. C'est, je pense que la loge s'est mêlée de la chose pour que les choses se passent plus sereinement, mais se passe quand même, hein, ça va se passer. Ça aurait été beaucoup mieux que la loi via passe, hein, soit dit en passant. Et que même, j'ai pas de haine particulière à l'égard de Soral ou d'autres, hein. Si certains étaient emprisonnés parce qu'ils avaient dit du mal des Juifs, parce qu'ils avaient même pas du mal des Juifs, Renoir avait été emprisonné hein, pour Radour, hein, je crois. Hein. Ça l'a fait connaître de toute manière. Hein. Oui, considérablement, oui, bien sûr. Je pense que, vu comme les tensions ont augmenté depuis une dizaine d'années. Oui. Voilà, ça créerait des réactions en chaîne possiblement intéressantes. Bah, disons que depuis, on sort d'une décennie, 2010-2020, qui a été marquée du sceau de l'intensification considérable de la censure. Moi, j'ai quand même une bonne expérience du sujet. Le tournant, c'est 2010. À partir de 2010, les Juifs ont exigé de nouvelles lois, et surtout ils ont commencé à demander à l'architecture numérique, si vous voulez, de rentrer dans la danse pour appliquer la censure. On a du mal à le croire, mais il y a une dizaine d'années, YouTube était une plateforme libre. C'était une plateforme libre. On pouvait s'exprimer sur YouTube, on pouvait dire à peu près tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, ça appartient au passé, ça. Donc, en 10 ans, on a vu la montée en puissance de cela, et en fait, comme les Juifs ne connaissent aucune limite, hein, en fait, les Juifs se sont dit, on va exiger toujours plus. Et la loi Avia, que Macron s'était engagé en 2018 au dîner du CRIF à mettre en œuvre, était le point d'orgue de cette fuite en avant des Juifs, de la censure généralisée voulue par les Juifs. Mais il y a un contre-coup. Et le contre-coup, c'est l'opinion publique. Est-ce que vous avez vu cette semaine, par exemple, après la censure de la chaîne de Dieudonné, la LICRA a sorti son plus beau violon pour jouer un air yiddish bien connu, en se lamentant du fait que en MP, en message privé, ils étaient bombardés de messages antisémites. C'est-à-dire que la censure devient contre-productive, comme toujours dans l'histoire d'ailleurs. Et elle devient contre-productive à grande échelle. C'est-à-dire qu'on arrive à un point clé, à un point d'inflexion, où quand vous êtes censuré, les gens vous aiment bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les gens s'identifient à vous. Pas à ce que vous dites nécessairement, mais au fait que on vous interdit de l'exprimer. Et ça, c'est pas très populaire. Je veux dire, évidemment, on va vous dire, oui, mais lui, je sais pas, un tel, oui, mais c'est un néo-nazi, etc. Oui, quand isolément, il y a quelques années, on prenait un cas ou un. Bon, c'était presque invisible. Mais ils ont été tellement loin, ils ont fait tellement de procès, ils ont fait des happenings à répétition. Rappelez-vous, Place de la République, on a eu 20 000 juifs qui se sont rassemblés en hurlant, soi-disant, il devait y avoir des millions de personnes venues à part les juifs. Bon, ils en ont fait tellement que maintenant la censure est contre-productive, y compris pour le régime. Et je crois que c'est ce qui explique le recul, en fait. Je crois que là, la répression recule. Elle est là. Les lois de censure sont toujours là, mais là, en tout cas, en ce moment, on sent que, comment dirais-je, la magistrature en charge de la répression, et la cour, pareil pour le Conseil constitutionnel, on sent que ces gens sentent que aller plus loin n'aura qu'un seul effet, c'est de faire exploser l'antisémitisme. Donc, comme tu le disais très bien, je crois que ces gens essayent de sauver les juifs d'eux-mêmes. C'est tout à fait ça. Mais les juifs n'ont pas compris. Non. Vraiment, je pense que c'est la maçonnerie qui sauve les juifs, hein, qui sauve le cul des juifs en ce moment. Oui. Mais bon, les juifs étant des fanatiques... Ça ne durera pas, parce qu'ils vont exiger beaucoup plus. C'est reculer pour mieux sauter, de manière comme toujours avec... Oui, ils vont revenir, ils vont faire du lobbying, ils vont encore pousser, ils vont menacer un tel, etc. Mais ils vont revenir. Exactement comme dans le cas, là, de la vieille Knoll, ou bien même de la, j'ai oublié le nom de la juive qui avait été tuée, là, par un nègre fou et camé, là. J'ai oublié le nom Halimi, bon. Ils ont décrété qu'elle avait été que c'était un assassinat dans les deux cas. Garabin, rappelle-toi, avait dit oui. Enfin, la justice avait dit que c'était pas un meurtre. C'était pas un meurtre antisémite. Il dit oui, on va régler ça. Il avait dit le grand rabbin de France. Bon, voilà, les autorités religieuses françaises s'expriment. Et ils reviennent constamment à la charge. Et il y a eu de nouvelles analyses qui disent que non, il n'y a pas de... Mais ils n'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'ils sentent que ce sont des enragés. Et donc effectivement, les autorités essayent de tempérer, de mettre un peu de raison dans tout ça. Mais pour le bien des juifs, hein. C'est pas pour l'amour, la liberté d'expression. Hein. C'est pour le bien des juifs, mais les autres ne veulent rien entendre, quoi. Ils veulent du sang. Ils veulent du sang, et quand le juif veut du sang, il veut du sang. Il veut pas autre chose. Alors, les élections municipales, messieurs. Désintérêt massif, ça c'est un point très important. Je pense que c'est l'élément central. Hein. C'est la très grande abstention. J'ai lu un certain nombre de commentateurs politiques dire que on ne pouvait pas imputer une telle abstention au virus. Ça ne pouvait pas expliquer. Ça l'expliquait un petit peu, mais pas dans les proportions qu'on a vues. On a des villes où on a pratiquement 70% de la population qui n'est pas allée voter. Hein. Dans des grandes villes, j'ai des chiffres en tête. Hein. Rennes, c'est 68%, 69% d'abstention. Brest, c'est pareil. Enfin bon, on est sur des volumes très importants. Je crois que le record en France, c'était autour de 75% d'abstention, mais je ne me souviens plus la ville. Mais il y a peut-être eu d'autres villes avec davantage. Mais ça, c'est le premier truc. Donc là, je veux poser la question. Est-ce que vous avez été voté ou pas? Est-ce que vous comprenez l'abstention? Enfin, qu'est-ce que ça inspire chez vous, ce désintérêt massif d'une élection dont on dit que traditionnellement, elle est celle qui intéresse le plus les gens? Moi, je me sens pas concerné, donc c'est pas mon truc. Mais globalement, quand même, bon, même si tu me dis qu'il y a des experts qui disent que c'est pas que le Covid, etc. Bon, les experts sont bien gentils, mais on est en plein été, quoi, hein. Les gens pensent vacances, pas mal sont déjà partis. Mmh. On leur fout un deuxième tour après un premier tour qui a eu lieu il y a plusieurs mois. Ils sont ailleurs. Hein. Ouais. Ah ouais, avec ils ont été enfermés chez eux, à devenir fou pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je pense qu'ils en avaient autre chose à foutre que le second tour. Et puis bon, il faut dire qu'aussi, la plupart la plupart des communes ont eu leur maire élu au premier tour. Hein. Ce second tour a concerné finalement très peu de communes. Alors ça a concerné les grosses communes, hein, la plupart des grosses agglomérations, mais toutes les petites communes en général étaient. Enfin, les dés étaient faits avant le confinement, donc au premier tour. Quelqu'un d'autre sur cette abstention? Pas spécialement. Alors, ils sont concernés. Bah, ils s'abstiennent. Ouais, voilà, on s'abstient. Non, mais tout le monde s'en fout, écoute. Ouais, mais c'est intéressant parce que pour moi, c'est un vrai signe d'alerte, ça. C'est un vrai signe d'alerte. Vas-y, je t'en prie. Bah, c'est un signe d'alerte pour le système. Parce que c'est une élection qui est une élection locale, qui est tenue pour populaire, et finalement, les gens n'ont pas joué le jeu, quoi. Les gens se sont tirés. Ils sont restés chez eux, ils sont partis faire autre chose. Donc là, ils se disent, merde, la population se fout totalement de qui est élu. Ça les inquiète quand même. Ça les inquiète. Et alors, le deuxième effet... de cette abstention, c'est que vous avez des gens qui sont très mal élus en réalité. Je prends le cas de Rennes. Johanna Roland, bon, elle a été non, Johanna Roland c'est à Nantes. C'est Appéré qui est à Rennes, mais c'est pareil dans les deux cas. C'est des gens qui ont gagné confortablement le deuxième tour, très bien, mais avec 70% d'abstention. C'est-à-dire que ces gens-là ne pèsent en réalité que 15% du corps électoral. Alors quand vous représentez que 15% des habitants de votre ville, ça devient quand même très compliqué en termes de représentativité. Donc techniquement, ils sont vainqueurs, mais en réalité, politiquement, ils sont loin de faire l'unanimité autour d'eux. Voilà, donc ça c'est un point très important. Et je pense qu'on risque d'avoir... je ne sais pas quel second tour on aura en 2022, mais on pourrait avoir un scénario comme ça. Hein. Un scénario avec... Alors, je ne dis pas avec 70% d'abstention, mais d'avoir une abstention tout à fait significative, quoi. D'avoir un désintérêt complet, parce que, en fait, les gens s'en foutent, en fait, de... Les gens, peut-être confusément et inconsciemment, mais ils se rendent compte, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais bon... Alors, il y a... Pierrot ? Ouais, les gens s'en foutent, en fait, parce que le résultat... là, j'ai vu la petite crise qu'il y a eu à Marseille. On peut en parler, si vous voulez, mais j'ai envie de dire, dans les faits, de manière purement pragmatique, ça change pas grand-chose, quoi. La gauche, la droite, les écolos... De toute façon, ces gens-là vont être obligés de faire des alliances pour faire fonctionner la machine... Et dans tous les cas, le projet politique marxiste sera mis en place. C'est juste à quel degré on va le mettre en marche. Les gens s'en foutent de effectivement ce qui va être mis en place parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Je pense que la démocratie là, actuelle, elle concerne vraiment que les boomers. Les immigrés, ils savent même pas de toute façon qui est élu. Même à Nantes, hein, on parle de Nantes si tu veux. Les immigrés de Nantes, je pense qu'ils savent pas qui est Johanna Roland. Je pense qu'ils en savent rien. Les jeunes, ils le savent, mais ils s'en foutent. Et les vieux, ils vont aller voter. Voilà. Même pour le gouvernement, tu demandes quel est le nom du ministre, je sais pas trop quoi, les gens ne connaissent pas. Sûrement complètement. Là, ils ont mis d'heure un nouveau premier ministre, complètement inconnu, mais ça choque pas parce que ça n'a aucune importance tout ça. C'est du vent. Alors, moi, petite nuance quand même que j'apporterai à ce propos, c'est que tu as quand même des mairies qui, des équipes qui sont en place dans certains coins depuis longtemps, qui ont tout fait pour ne pas faire venir de CAF sur le territoire. Donc ces gens-là, il faut à tout prix voter pour eux et faire voter pour eux au risque de retrouver ta ville. À ressembler à Bagdad, hein, juste à un mandat. Hein. Ouais, c'est un argument qui est assez convaincant, je dois dire. Ah ouais, et vraiment, hein, y a des mairies, y a des territoires dans des coins pourris. Enfin, pourris. Ouais, des coins pourris. À la périphérie, tu as des villes qui ont regardé et disent, ah, ben, tiens, là, ce sont des fous. Ben, venez, on va faire tout le contraire. Tu vois et donc, ben, ils ont fait le contraire et ça marche. Et c'est vivable, c'est beau, y a tout ce qu'il faut, on y vit très bien. Et donc, il faut encourager ça. Si tu te bouges pas le cul pour le coup, pour soutenir ces gens-là, alors ils sont pas, ils vont avoir leur truc. Enfin, ça peut être du centriste et de la droite classique, on va dire. Mais pour ce qui est du local, ça te concerne directement. Donc, il faut vraiment, voilà, peu importe l'étiquette de ces gens, il faut y aller. Il faut y aller, sinon. Là, les Verts arrivent dans une ville qui passe où il y avait très peu d'HLM, très peu de négories, de singeries. Attention, hein, quand ils arrivent, ils te les mettent, te les parquent chez toi, et puis te les font danser tout le temps, les manifestations culturelles, etc. etc. Mmh. Donc préparez-vous. Là, ceux qui sont dans ce cas-là, qui étaient dans des villes bien tenues qui sont passées. Alors si c'est le cas, hein, si vous êtes dans ce cas-là, ben vous allez voir, ça va être très rigolo votre histoire. Alors là, on a assisté à ce qui a été décrit comme une vague écologiste. Alors moi, je tiens quand même à tempérer un peu ça, parce que c'est vrai que ce qu'on appelle les écologistes, malheureusement, ça porte à confusion ce terme, parce que ces gens ne sont enfin, pour moi, ce sont des écolo-communistes. Hein, ce sont des écolo-communistes. Ils utilisent l'écologie comme un véhicule de communication pour mettre en place des politiques qui sont des politiques marxistes ou crypto-marxistes. Hein. Et vous avez qu'à vous intéresser à ce que déclarent un certain nombre de caciques de l'écologisme politique. Vous allez découvrir des gens, je veux dire, qui sont totalement en phase avec l'idéologie sans frontiérisme, du trotskisme et autres. Prenez un exemple, on l'a cité ce un sont petit. Les pires, hein. Toubiana, voilà, s'est formé chez les trotskistes juifs. Ça termine dans les bidules écologistes. Du système Macron, vous voyez, voilà, c'est bon, il y a une continuité, vous voyez bien, et c'est vrai que ça fait plus sympa, c'est plus sympathique de dire écologiste, parce que dans l'imaginaire des gens, les gens ils pensent aux arbres et aux animaux, personne n'est contre la nature. Ils sont pires que les communistes, hein. Parce que les communistes ils pensaient un petit peu aux gens qui bossaient sur place. Oui, il y avait encore une prise avec le réel, oui, c'est sûr. Oui. Une prise avec le réel, et surtout le réel immédiat, la proximité. Là, on est dans l'apocalypse climatique. Tu es coupable, quand tu allumes ta bagnole pour aller bosser, ouais. Tu es coupable du fait que Mamadou, au Mali, il puisse pas boire comme il faut. Hein, parce que tu fais chauffer la planète, il peut pas boire. Donc, il faut l'accueillir chez toi. Sinon, tu es un enculé. Tu veux pas être un enculé. Donc, voilà. Fais en sorte que ta fille se fasse violer par Mamadou devant chez toi, ça sera très bien. C'est Tikkun Olam. Ouais, Tikkun Olam, c'est réparer le monde, mais vraiment, hein, ces partis-là sont pires que le Parti communiste français. Et alors, Dieu sait que ce parti est bon, a un passif derrière lui, hein, notamment d'assassinat en masse en 1945. Mais ce que nous prépare. Ces écolo-marxistes, c'est bien pire. C'est bien, bien, bien, bien pire. Bah, je vois, on va faire le détail des villes, hein. Mais là, je voyais aujourd'hui, dimanche, il y avait Éric Piolle. Je crois que c'est Éric Piolle ou Cédric Piolle. Éric Piolle. Bah, Éric Piolle, c'est à Grenoble. Le maire de Grenoble, qui est une ville d'une taille assez significative, hein. Il était interrogé, je ne sais pas, enfin, sur une grande radio française ou sur BFM, je ne sais plus, bref. Et il était invité à commenter, bien évidemment, le résultat des élections municipales pour les écolo-communistes. Et ce que ça alimentait chez eux en termes de réflexion pour 2022. Bref, au détour de l'interview, il déclare qu'il est hostile au déploiement de la 5G. Et il dit parce qu'en gros, ça ne sert qu'à regarder du porno dans les ascenseurs. Du porno, hein, du porno haute définition dans les ascenseurs. Alors, on peut en rigoler, parce que par définition, Internet, c'est vrai qu'il y a, ça existe. Mais je trouve que la question sur la 5G, alors que, si vous voulez, en Corée du Sud, le déploiement est déjà largement commencé. D'accord ? C'est juste pour citer ça. C'est-à-dire que les puissances asiatiques, si vous voulez, font tout pour déployer au plus vite la 5G. Hein. Je veux dire, eux, c'est... Ouais, alors... C'est clair. Enfin, il y a quand même une problématique avec la 5G qui est Huawei. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Oui, mais enfin, il y a des alternatives. Comment dirais-je, par exemple, dans le cas du Japon, ils ont une 5G qui est nationale. C'est une technologie nationale. Elle n'utilise pas de technologie chinoise. Ce sont des choix qui peuvent être... C'est avec les ingénieurs que nous importons, que nous avons la technologie française. Moi aussi, les... ça n'existe plus trop, hein, ce truc-là. C'est quoi, c'est Ericsson, je crois, qui faisait. Il y avait, voilà. Il y avait des antennes. Nokia, je crois qu'ils ont fermé une antenne là. L'Europe avait une. Rennes, il y a eu. Non, c'est pas Rennes, c'est en Bretagne, mais c'est pas. En Bretagne. Ouais, je sais plus. Guingamp. Je sais plus, mais en avant Guingamp. Ouais, enfin, voilà. Bon, non, mais ce que je voulais dire, c'est que les écologistes disent clairement le progrès technologique, non. Ça devient un débat, ça va devenir de plus en plus un débat. Donc les nègres, oui, la 5G, non. Voilà, c'est le type de débat qu'on commence à avoir en France, si vous voulez. Ça augure du reste, hein. Ça augure du reste, hein. Parce que, alors là, ceux qui ont élu, alors faisons un peu le tour des villes, là. Je crois qu'il y a, Lille, c'est pas passé loin, hein. L'écologiste a failli gagner, donc bon, il n'est pas élu maire, mais il représente un sacré bloc sur place. Strasbourg, c'est une arménienne écolo-communiste qui a gagné. Je connais même pas son nom, mais c'est une femme qui a gagné. Écolo-communiste, imaginez, une femme écolo-communiste, dans une ville qui est déjà racialement sinistrée. Ces gens-là, ce qui viennent des liens, ils vont le sentir passer. Hein. Ils vont le sentir passer. On a Bordeaux, qui est passé aux mains des écologistes, avec l'appui de Philippe Poutou, du NPA, on parlait trotskiste. N'est-ce pas ? Quelle ville encore est tombée dans leur escarcelle ? Lyon ! Marseille. Lyon et Marseille. Lyon, donc le vieux colon, là, il a été complètement laminé. L'archéo-socialiste, l'ancien ministre de l'Intérieur de Macron, a été complètement pulvérisé, et il a été remplacé donc par des écolo-communistes qui seront en général cul et chemise avec piole de Grenoble. Hein. Donc ces gens-là, ils vont peser de tout leur poids, non pas seulement sur leur ville, parce que quand vous êtes le maire de Lyon, vous avez vraiment un poids énorme dans la région. Donc ils vont entraîner toute cette région-là dans l'écolo-communisme. C'est toutes les métropoles en fait qui sont tombées. Alors je sais pas, c'est peut-être pas toutes, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc il y a Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Lille pratiquement sur le fil. Et alors tu as suivi Marseille. Est-ce qu'on peut s'intéresser un peu à Marseille ? Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille exactement ? Il y a eu une tractation, c'est tout un micmac là. Ouais, il y a eu des tractations. Les types, enfin la droite et les républicains ont refusé. De faire alliance avec Gravier qui se proposait de faire une majorité à deux quoi, une collaboration. Ouais. Précisant quand même que le maire sortant était un maire, les Républicains c'était Gaudin, donc officiellement de droite, ouais, donc Gaudin, ça veut rien dire, mais bon voilà, ils tenaient la mairie. Ils tenaient la mairie avant Gaudin, il était depuis Roman, il y avait Vigouroux avant. Et donc les Républicains ont préféré être dans l'opposition et bien entendu Sassa Mégali du Parti Socialiste s'est allié aux écolo-communistes, je ne sais plus comment elle s'appelle hein, d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est une nana écolo-communiste qui est maire de Marseille. Ça, ouais, c'est Robirola ou un truc comme ça, non ? Rubirola ? Rubiola. Ouais. Ça chante comme nom, hein. Ouais. Encore des rescapés du fascisme. Bon. Oui, je crois bien, oui. Donc c'est une majorité écolo-communiste, hein, écolo-marxiste quoi, ou écolo-gauchiste comme on voudra, qui gouverne maintenant la ville de Marseille. Il faut se préparer à l'apocalypse, hein, pour le coup la vraie là. Hein. Ouais, je pense, parce que c'est... Moi j'ai des gens qui cherchent que je connais, qui cherchent à s'enfuir de l'asile quoi. Hein. Bon, c'est quand même un petit peu tard peut-être. Ouais. Et, ça risque d'être particulièrement incroyable puisque ces gens sont créatifs hein, dans leur, oui, leur folie. Oui. Ils savent, ils leur viennent des idées. Tiens, on va réquisitionner ton immeuble pour. Parce que ton appartement il est vide. Ah, ouais, tiens, ouais, c'est bien, on va y mettre des nègres. Là. Bon. Donc, il faut dire que ça va très vite. Alors, on note, alors, on s'arrête sur ce point peut-être. Parmi tous ces écolo-communistes, il y a beaucoup de femmes. Hein. Beaucoup trop, ouais. Alors, moi, je. Le vote pour moi, c'est un vote de boomer et de bobo, en fait, en général. Ouais, hein. Ouais. Et donc, que des femmes soient élues, c'est malheureusement très logique. Et puis, quand t'es un boomer ou quand t'es un bobo, bah, t'es très sensible à tout ce qui est sophisme. Donc, effectivement, là-dessus, les femmes ont l'avantage. Hein. Alors, il y a un truc, il faudra parler de l'électorat aussi, mais je suis frappé, par exemple, la Bretagne a totalement résisté, Rennes et Nantes n'ont pas été prises par les écologistes, parce qu'il y avait déjà des espèces de secrétaires de gauche qui font de la cistana, quoi, qui sont déjà en place, c'est Appéré et Roland. Donc en fait, elles occupent déjà le créneau, sauf qu'elles le font pour le compte officiel du Parti Socialiste. Donc voilà, là, ça n'a pas eu lieu. Le Parti Socialiste reste, contrôle les villes, les grandes villes de Bretagne. C'est surprenant, mais c'est un fait. Dans ces métropoles-là, qui sont pourtant des villes totalement bobos et négrifiées, ça perce pas. Mais je veux dire, ça me faisait rire, parce que on va parler d'Hidalgo aussi. Mais ça me faisait marrer, parce que les gens étaient... Enfin, j'ai vu sur Twitter des réactions aussi parfois dans nos milieux en disant, mais... Comment les gens sont aussi cons. Mais moi, je suis désolé, je veux dire, à un moment donné, moi, je suis désolé pour les habitants qui sont des gens bien dans ces villes-là et qui ne communient pas dans le délire du moment, là, l'espèce de millénarisme anti-blanc et climatique, là, l'espèce de truc bizarre là, qui émerge. Mais je veux dire, ces villes-là méritent leur sort. Ces villes-là méritent leur sort. Je veux dire, ce ne sont pas des accidents. Il y a vraiment une sociologie derrière ce vote. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été votés, c'est un fait. Mais il y a quand même une sociologie. Et ces rombières-là qui émergent, elles sont à l'image de cette sociologie de bobo. Alors après, s'ils décident de transformer leur quête de vie en enfer interethnique, bon, c'est pas que ça m'enthousiasme. Mais au fond, ce n'est pas volé. Ce n'est pas volé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et je sais plus qui a dit ça. Il dit en 5 ans ou 6 ans, c'est en un mandat, c'est réglé. Ouais, en une mandature. En une mandature, c'est réglé. C'est tout à fait vrai. On avait parlé de Nantes il y a quelques émissions de ça, dans le détail, avec notamment quand on avait parlé des universités. Donc, je ne vais pas revenir sur le cas de Nantes, mais le cas de Rennes aussi, ou le cas de Brest. Là, on est en Bretagne, si vous voulez. En quelques années. La criminalité a explosé, vraiment, avec des choses qu'on ne voyait pas dans ces villes-là, à cette échelle-là. Des viols dans les rues en plein jour, des fusillades à la Kalachnikov, des règlements de comptes quotidiens entre trafiquants de drogue, tout ça était très cantonné jusqu'à il y a encore une dizaine d'années. Et en une mandature des gonzesses que j'ai citées, c'était réglé. C'était réglé. Les villes ont été totalement défigurées. Totalement défiguré. Et généralement, vous avez des migrants, donc c'est des. Vous savez même pas d'où ils viennent, hein, je veux dire, c'est des nègres, des Afghans, vous savez pas. Ils divaguent, ils sont là, ils restent, ils zonent, voilà. Ça, c'est un truc très très marquant. Et puis, la saleté aussi, qui progresse beaucoup. Enfin, bon, il y a toute une série de choses comme ça. Et vous mettez des gonzesses, c'est sûr que ça, il y aura pas de poigne là-dedans. Hein. Ceci étant dit, quand vous regardez Brest, le maire est un mec, c'est un socialiste, c'est cuyant. On lui doit l'imam de Brest. Hein, il l'a fait pratiquement. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter sur Paris maintenant? C'est rigolo quand même, Paris. Hidalgo qui l'emporte. C'était prévu, mais. Pourquoi pourquoi est-ce qu'elle l'emporterait pas? Bah, il y avait quand même Agnès Buzyn en face, tu vois, mais non, ça n'a pas marché. Ah oui, mais bon. Ouais, bah, oui. Oui. Je pense que même Marine Le Pen aurait pu emporter face à Agnès Buzyn. Oui, c'est pas faux, oui. Comment dire, donc Hidalgo l'a emporté. Bon, alors là, j'ai vu aussi des réactions. Ah, les Parisiens sont vraiment dégoûtés. Bah, non, mais attendez, mais. Enfin. Il découvrait la Lune. Bah oui, hein, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression, hein. Et il y avait Dati aussi, qui faisait son numéro. Non, c'était assez rigolo, c'était cette élection au second tour pour Paris, donc trois femmes. Ouais. Ça dit tout, hein. Trois étrangères. Ouais. Une juive, une maghrébine et une marocaine. Voilà, donc deux maghrébines, une juive et une juive d'Europe de l'Est. Bon, et avec les femmes, c'est vrai, c'est une synthèse, hein, c'est une synthèse qui s'est passée. Est-ce que, comment dire, moi je suis pas un fan, hein, des grandes villes, moi je dis assez souvent, je dis, si vous pouvez éviter de vivre dans une grande ville, franchement faites-le. Mais alors si en plus elles ont basculé dans l'écolo-communisme, franchement faites-le. Parce que ces gens sont vraiment dangereux. Je vous invite à regarder le fameux bidule de Toubiana, parce qu'on peut en rigoler, mais les dispositions qui sont prévues, c'est très réel, hein. Ça va être appliqué. Oui. Ça va pas rester du théorique. Hein. Et il y a des sérieuses limitations, et notamment, je ne sais pas si les gens en ont conscience, mais il y a l'idée de réquisitionner les logements vides. Hein. Alors, si vous êtes le malheureux propriétaire d'une résidence secondaire, parce que tout simplement vous avez hérité de ça de vos parents, ou je ne sais, hein, attention, il y a des convoitises, n'est-ce pas? Et ça, c'est cette fameuse convention qui le met en avant. J'aime autant vous dire que dans les villes écolo-communistes, qui sont pas des moindres, hein, on les a citées, et on va faire du zèle, hein. On va faire du zèle. Ils vont pas faire planter des arbres. Quelqu'un veut-il dire quelque chose? Enfin, il y a peut-être d'autres villes à commenter, je sais pas. Ah oui, j'aurais une autre ville à commenter. C'est Nice, le cas de Nice. Bah, Nice. Avec Estrosi. Estrosi qui a été réélu avec 70%, mais alors bon, il y a pareil, participation. Très faible. Très faible. Hein. Bah, pour le coup vacances, là, c'est vraiment... Oui. J'en ai absolument rien à foutre. Bon, c'est pas du tout une surprise, hein, Estrosi, enfin, qui l'emporte, quoi. Je vois que Philippe Vardon essaye des choses. Ouais, ça décolle pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux Bah, c'est pas la bonne ville, en fait. bonne doctrine, en fait. Non mais c'est vieux quoi. Nice. Bah ouais. C'est ça. Mais en fait Eric il a tout dit. C'est des gens. Essayez d'être propriétaire à Nice. Voilà en fait tout est dit. C'est bon. Ouais. Essayez d'être propriétaire à Nice. Tout à fait. Ouais non tu peux encore Nice. Mais c'est les villes à côté qui sont plus chères. Mais même c'est truffé de vieux quoi. Ce département là ouais. Pour bouger quelque chose. Il faut attendre que les vieux crèvent. Et quand vous regardez Nice Matin et la rubrique mariage, je veux dire, les jeunes... Oh là, sont... oui. Oui. Des homosexuels ou des nègres. J'ai vu à un moment donné un couple de femmes hein, qui se mariaient avec des noms portugais. Mais avec des faciès négroïdes. Alors, je sais pas ce que c'était. Je sais pas. Oh, c'est pas incompatible. Ah, je dis pas que c'est incompatible, mais je sais pas si c'est de l'Angola ou je sais pas. Mais c'était vraiment très. Des frères européens, écoute. Ah non, non, mais je ne blague oui, pas. C'était hein, sûrement des Angolais. C'est sûrement des Angolais ou des Brésiliens, je sais pas. Mais c'était, voilà, et De Guin. Hein. Bon. Donc voilà, donc la relève à Nice, je sais pas. Hein, je suis pas très convaincu. Il y a je sais pas combien de mosquées. Enfin bon, c'est. Je sais pas. Il bah, y a eu des. Quand il y a eu les événements avec les Tchétchènes à Dijon, du coup, bah, ça. Il y a eu des répercussions à Nice. Hein, il y a des Tchétchènes à Nice. Ah ouais, ouais, ouais. Pas de répercussions. En fait, les Arabes sont sortis pour se filmer avec des, ah oui. Avec des flingues, quoi. Ils ont rien fait. Ils sont sortis. Ils ont fait les beaux. Bizarrement, on ne vient pas les faire chier quand ils sortent et se filment avec des flingues. Ça va, c'est tout à fait logique. Ouais. Ils ont le droit. Le racisme systémique, encore une fois. Oui, oui, a frappé. Oui. Hein, a frappé, voilà. Alors pour revenir à Paris, Audrey Pulvar, ministre de l'Agriculture, on en a parlé peut-être un petit peu, mais ça, c'est inspirant ça. Adjointe à l'agriculture de. Oh, ça va pas tarder, ça va pas tarder à devenir une république autonome, non? Ah oui, peut-être. Oui. La commune de Paris, ça s'est déjà fait, oui. Ça bah ouais, je veux dire. Les Parisiens nous emmerdent tellement depuis au moins 200 ans avec leur histoire, oui. Bah, je sais pas, hein, mais ouais, ça m'a enthousiasmé, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez d'autres villes en tête Bordeaux, c'est une ville bourgeoise à l'origine, putain, ça va devenir... Bah, Bordeaux, hein... ouais. Bordeaux, voilà, désolé, quoi. Vous allez... Ah ouais, là, vous allez souffrir, hein. Alors, il y avait un petit peu des nègres à Bordeaux, hein, parce que... bon, oui, toujours un petit peu, oui, oui. Un petit peu des nègres. Là, une tradition locale. Approchez-vous, mettez la ceinture, les gars, ça arrive, hein. Ah non, mais Bordeaux, là, ce qu'ils... Non, mais je veux dire, avec les écolos communistes à Bordeaux, mais me semble-t-il que Philippe Poutou est conseiller municipal, hein ? Oui, il est conseiller municipal. Oui, oui. Et d'ailleurs, donc ils sont trois conseillers municipaux pour sa liste, à Poutou. Et le troisième... Un fasciste qui s'est fait exploser une main, je crois. C'est ça. Mais c'est vraiment un antifa, je veux dire. Oui, ce sont des antifas. Oui, ce sont des antifas. C'est-à-dire que là-bas, maintenant, à Toulouse, il y a des antifas au conseil municipal. Dans la majorité. Oui, à Bordeaux, autant pour moi. Bordeaux. À Bordeaux, autant pour moi. À Toulouse, c'est Moudin, je crois. Si ma mémoire est bonne. Le roi nègre. Le roi nègre. Le roi nègre. Vous vous rappelez de lui? Le roi nègre, on avait parlé dans un article. Vous savez, il s'était divisé en roi nègre. Officiellement roi. Officiellement déclaré comme roi nègre. Roitelet de je ne sais quelle tribu. Mais ouais, non, c'est sérieux. Les gens, il y a des gens qui nous écoutent, qui ont loupé l'émission, ils doivent se demander si on déconne. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Bordeaux. Alors, Bordeaux, donc, dans la majorité, maintenant, il y a des antifas. C'est vous dire si l'air va être respirable dans la ville. C'est de la folie, hein. C'est de la folie. Donc on a dit Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg. Me semble-t-il qu'il y avait une autre ville. Ah oui, je crois qu'il y a aussi. C'est pas Orléans, Poitiers, je sais plus. Et quelqu'un avait fait remarquer que Bordeaux, Poitiers, Orléans, je crois que c'est ça, si c'est pas ça, c'est Tours, j'ai oublié. Enfin, c'était le long de la ligne TGV qu'empruntent les bobos parisiens pour aller en vacances. Ce qui est étonnant. Mais comme c'est étonnant. C'est pas pour aller en vacances. Non, c'est la résidence secondaire. Il y en a qui habitent aussi. Ouais, non, mais il y en a qui, comme tu mets une heure pour aller au boulot, ouais, 1h30, ou une heure et demie. Il y en a qui vont bosser à Paris à 300-400 bornes et qui reviennent le soir, quoi. Enfin, ou une fois tous les deux jours. Et ouais, ils votent, et du coup, ils votent comme à Paris. Enfin, c'est un cancer, hein. Ouais. D'ailleurs, bon, le TGV Méditerranée aussi vient de faire son effet, hein. Les Parisiens sont venus, ben voilà, on a une ville écolo-communiste. Bah, c'est ce qui s'est. Là, ça va être marrant. Quoi. Ouais, c'est vraiment. À Bordeaux, ils avaient, avec la construction du. Enfin, avec la ligne à grande vitesse, il y a eu beaucoup de Parisiens qui sont installés ces dernières années. Et le résultat, maintenant, il est là, il est tangible. C'est le résultat qu'on a vu dans les urnes. Comme tu l'as très bien expliqué, quoi. Et à Marseille aussi. Donc, bloquer les lignes de TGV. Or, j'ai vu. Tiens, alors, juste là. Allons à Perpignan. Parlez un peu du RN, on peut parler du RN. Ah oui, bah oui. Formidable victoire du RN. Ah, quelle magnifique victoire. Là, Marine Le Pen a rabattu le caquet de tous ceux qui moquaient sa stratégie. Alors, pour le FN, en termes d'élus, ça nous donne quoi? Il y a Rachine qui a été élu au premier tour. Je parle de tous les élus, hein. Je parle des maires et des conseillers municipaux dans tout le pays. Alors, il y avait, je crois, 1500, dans les 1500 conseillers municipaux, enfin, élus au total lors de la précédente mandature, et il y en a deux fois moins maintenant. 800, quoi. 800, voilà, c'est bon, ça. Ah, hein. Au niveau du nombre de villes, ça reste à peu près pareil. Il y a, comment s'appelle, la ville, Mantes-la-Ville, qui a été perdue. Donc c'était la seule ville qu'ils avaient en Ile-de-France. Ils avaient gagné la dernière fois. Donc c'est une ville de truffée de nègres, hein, Mantes-la-Ville, c'est pas joli, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, c'était assez bien géré, hein. c'est pas réellement la faute du maire, d'ailleurs il s'est distancié du FN. Et c'était plutôt un bon maire là-dessus, c'est pas du tout de sa faute, hein. C'est juste la démographie qui a joué. C'est la démographie, là, pour le coup, le remplaçant est un arabe. Donc, ouais, absolument, d'ailleurs les arabes sont sortis dans les rues pour crier leur victoire, pour s'esclaffer. Ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Oh, il y avait sinon... que des bouillous et des nègres, hein. C'était la folie. Hein. Ouais, c'est ignoble. Sinon, sur... qu'est-ce qu'on a dans le sud, Marine Le Pen a fait perdre Valérie Lopi. Ah oui, ça c'était à Tarascon. Tarascon, explique un peu le dossier. On a une candidate anciennement du Front National qui s'est fait dégager parce que cette partie-là, si tu t'écartes un tant soit peu de ce que dit Marine Le Pen, tu dégages. Vu qu'elle était bien implantée sur place depuis plusieurs années, elle était bien partie pour quand même remporter la mairie, s'est présentée sans étiquette, et le Front National... RN, j'ai du mal à y faire, le Rassemblement National, a présenté une liste opposée à Valérie Lopi et l'a maintenue au second tour. Hein. Donc, il y avait 10% et quelques, donc il ne pouvait jamais gagner, mais il s'est maintenu. Il est même allé jusqu'à dénoncer Valérie Lopi qui recevait des méchants d'extrême droite. Enfin, c'était particulièrement dégueulasse. Plus l'extrême droite. Oui, c'est pas l'extrême droite, c'est une prof, directrice d'école. Anna, qui était venue au début du Rassemblement Bleu Marine vers 2012. D'accord. C'était vraiment... Et d'ailleurs, elle a été affichée par la mère Le Pen un petit peu comme une prise de guerre, parce que femme... institutrice, enfin tu vois bien quoi. Donc elle a été mise en avant par la mère Le Pen. C'est très vite rendu compte que c'était un ignoble panier de crabes. Et elle s'est distanciée du front, mais je pense dès le début de son, enfin pas de son mandat, parce qu'elle était pas maire, je crois qu'elle était plutôt conseillère municipale. Ouais, mais elle était dans l'opposition quand même. Hein. Elle était dans l'opposition, mais c'est vraiment ce Rassemblement National, vivement qu'il soit dissous. On va parler de Alliot aussi, qui a fait une grosse tentative bourgeoise. Ouais, bah vas-y. Bah, ce qui m'a frappé, c'est... Donc, Alliot a été élu à Perpignan, bon, qui est une ville, on avait... rappelez-vous, il y avait un auditeur qui nous avait envoyé un témoignage de là-bas, il nous avait bien expliqué la sociologie, hein, qui était grosso modo... Bon, il reste des Blancs là-bas, mais bon, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de Gitans et de Maghrébins. Donc Louis Alliot a remporté son élection, il est content. Notons qu'il il s'est pas présenté sous étiquette RN, hein, c'est important à souligner. Voilà, il s'est présenté liste d'union des droites. Hein, ouais, divers droite, et pas avec l'étiquette de l'Assemblée nationale ni dans sa communication, ni sur ses affiches. Ouais. Et d'ailleurs, Marine Le Pen ne s'est pas rendue sur place pour le soutenir ou quoi que ce soit. Hein, y a pas de... Ouais, bon, c'est une stratégie délibérée de sa part. Pour le coup, elle a été payante parce qu'il a gagné. Donc, d'accord. Mais le premier geste qu'il a eu après la nomination du très transparent nouveau Premier ministre, il a eu pour premier réflexe de le féliciter. D'accord. Parce qu'il est originaire du même coin. C'est pour ça. Il est du même département. et en lui demandant en fait une ligne de train. TGV, je sais plus comment l'opposition, ça s'appelle. Voilà, une ligne de train, en gros, de dater les travaux de la ligne TGV, je ne sais plus quoi. Bref, visiblement, Louis Alliot veut que des bobos arrivent à Perpignan pour qu'une liste écolo-communiste gagne, comme à Bordeaux, Marseille et ailleurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui... Je veux dire, il ne faut pas trop insister pour vouloir des trains. Ceci étant dit, enfin, ça dépend lesquels où ils vont. Mais ceci étant dit, pour ce qui concerne Louis Alliot, vient très très vite... Enfin, je sais pas, imaginez, Louis Alliot, qui, pardon, il a été vice-président du Front National, hein, me semble-t-il. C'était quand même le type qui dénonçait l'UMPS, ce qui est devenu Macron. Macron, c'est l'UMPS, c'est la fusion de l'UMP et du PS, hein, Macron. Et de voir que, illico presto, il félicite le nouveau Premier ministre de Macron, à peine élu, je trouve ça extraordinaire. C'est voilà, il est élu, ça y est, le mec, il n'y a plus d'opposition de principe, il y a plus de... Non, ça, c'est on oublie. Voilà, je suis un maire tranquille, comme tous les autres, voilà, bon. C'est intéressant à relever. Qu'est-ce que tu voulais dire de tout ça, Magda, de cette élection-là? Écoute, moi j'ai un intérêt très limité. Je veux dire, les situations sont tellement différentes selon les communes. Enfin, je parlais de Perpignan. Tu semblais vouloir parler de Perpignan. Ah, Perpignan. Non, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas que Alliot, il n'y a pas que quelques candidats du ex-FN ou RN qui sont démarqués de leur parti. C'est général. Ça s'est déjà vu aux dernières élections avec la déroute du parti municipal. C'était le cas également des candidats à La République En Marche. Tu as énormément de candidats qui sont distanciés de leur parti. Et peut-être, très étrangement, ceux qui l'ont moins fait, c'est les droitards des Républicains. Tu vois. Donc c'est un phénomène général. C'est pas propre au Rassemblement National et à sa déroute. Les gens se détournent des partis, tout comme ils se détournent des syndicats. Comme ça, c'est pas une bonne affaire pour le Rassemblement National, du coup, parce que les gens qui se détournent des partis, et les abstentionnistes, et les colériques, tu vois, tout ça, c'est un peu le même vivier, et normalement, c'est des gens sur lesquels le Front National compte. Donc, c'est pas bon pour Marine, ça. Ouais, c'est ça, c'est une partie de l'électorat volatile, qui, effectivement, pourrait tout à fait voter pour une candidature totalement outsider. Un petit peu comme on a vu en Italie, ou comme ce qui s'est passé avec Trump. Hein. Faut pas croire qu'il n'y a que des purs partisans des républicains qui ont voté pour Trump. Hein. Il y a beaucoup de gens qui étaient éloignés de la politique et qui ont vu dans sa candidature quelque chose de nouveau. Et cet électorat-là, qui est en fait l'électorat vraiment recherché par les partis politiques, qui est vraiment l'électorat le plus ciblé par tous les instituts de sondage et d'instituts politiques, c'est un petit peu la denrée rare, parce que c'est celle qui fait basculer les élections. Et là, elle s'est totalement détournée des élections municipales. Et je pense qu'elle grossit, et elle est effectivement potentiellement dangereuse, même si pour l'instant, je pense qu'il est dur de déterminer ce qu'elle veut réellement, en fait. Il y a un mix de gilets jaunes, de partisans de Dieudonné. Tout ça est un vrai foutoir. Hein. C'est très, très disparate. Je pense que n'importe quel discours de rupture suffirait à enthousiasmer ces gens-là. Donc, on élimine le Rassemblement National, quoi, qui veut juste être un truc à droite qui existe vite fait. Et puis Marine veut toucher sa rente. Voilà. Un truc tranquille, ouais, quoi, pas de risque. Ouais, c'est très clair que le RN est dans cette optique-là. Bon, c'est clair depuis longtemps, même, je veux dire. Même pour Macron, hein, ce serait terrible, hein, parce que s'il a pour projet de se faire élire en face de Marine Le Pen, ce qui serait en fait une élection à un tour plus un tour factice, bah, si une candidature vient siphonner les voix du FN et par-dessus coup ne pas mettre le FN au second tour, il va se retrouver avec les partis traditionnels ou en fait avec des alliances plus ou moins de la carpe et du lapin, enfin des alliances purement politiciennes, et je pense qu'il n'en a aucune envie. faut pas croire, hein, on a, les gens de gauche se plaignent que Zemmour soit appelé par Macron, et que Macron, de la même façon, s'intéresse entre guillemets au possible outsider politique de gauche. Mais c'est tout à fait logique. C'est à craindre. Vous vous souvenez, pendant l'élection de Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé un institut de sondage pour déterminer quel était l'électorat le plus volatile, et il les a appelés directement. Alors, c'est pas évidemment lui qui les a appelés, mais il a fait un message vocal qui pourrait, pour les gens un peu limités, on pourrait croire que c'est un vrai appel. Ça compte pour les gens, tu vois, pour les simples d'esprit, pour les petites gens. Tu te fais appeler par le candidat à la présidentielle, tu sais pas pour qui voter, t'es un peu indécis. Bon, bah tu votes pour ça. Si ces gens-là ont de plus en plus ras-le-bol, suivent n'importe quel mouvement qui se met en place, parce qu'ils en ont strictement ras-le-cul, et pas forcément de nos simples idées, hein, ça peut être beaucoup plus vaste que ça. Si ces gens-là se mobilisent, je pense qu'effectivement les Macron pourrait avoir des soucis à se faire, parce que toute la petite la structure politicienne qui met en place, les stratégies, les tactiques, les coups de billard à trois bandes, tout ça peut s'effondrer du jour au lendemain face à la volatilité de l'électorat. Ça c'est un. Je pense que il y a un risque pour Macron, qui pourrait se matérialiser, c'est l'hypothèse d'une candidature unique à gauche, qui était encore très improbable tant que Mélenchon voulait, enfin est là, parce qu'il avait une capacité à capter le vote protestataire de gauche. Il a quand même fait 19-20% en 2017, ce qui est quand même une performance, hein, je veux dire. Après tout, il était qu'à 2% du deuxième tour, hein. Faut perdre cette vue, hein. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche, hein, entre Fillon, Mélenchon, Macron et Le Pen. Ça s'est joué à assez peu de choses. Ce qu'on voit là avec les scores, finalement, le Parti Socialiste qui arrive à maintenir une présence locale et régionale, mais pas nationale, et les écologistes qui tendent à devenir actuellement, hein, mais il n'y a pas vraiment un parti, si vous voulez, il n'y a pas, c'est pas EELV qui devient le moteur du tout, c'est une boutique très mal organisée, mais il y a comme ça un courant qui tend à montrer que la dynamique elle est avec des écologistes, mais en fait en France il n'y a pas de parti écologiste vraiment organisé et solide, ça n'existe pas, quoi. Donc il y a des figures, voilà, on a vu ce que ça a donné, hein, quand, sous Hollande, hein, quand il avait fait venir Duflo, etc. C'est vrai que s'ils ont que ça à aligner, ça va être compliqué, quoi. Donc, il n'empêche que il y a un électorat qui vote ça, et si d'aventure il parvenait, avec le PS et les autres, à dégager une candidature unique à gauche, alors, avec un Mélenchon à 10, je ne sais pas, mais il pourrait éventuellement passer le deuxième tour. Ça serait possible si Marine Le Pen était empêchée, en fait. C'est-à-dire que si il y avait une candidature de gauche écolo, écologiste, à 20, imaginons que Macron soit à 24 ou 25, Mélenchon à 10, mais que Marine Le Pen soit à 15 parce qu'il y a une candidature de Villiers, plus celle de Dupont-Aignan, c'est compliqué, vous voyez? Je veux dire, Marine Le Pen, parce que tout le monde annonce qu'elle va être au deuxième tour, c'est, je sais pas, je suis pas certain du tout, moi. Non mais Marine Le Pen, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle nous fait le coup. Elle commence vraiment avec à peu près tout ce qu'il faut dans les mains, et elle termine de façon catastrophique. Ouais. C'est plusieurs fois qu'elle nous fait le coup, donc il est temps qu'elle arrête, mais encore une fois, j'ai recité la phrase de Zemmour, parce qu'il avait vraiment tout dit. Elle se rêvait Eva Perron, et elle finira Marie-Georges Buffet. On est en plein dedans. Et d'ailleurs, ce qui serait quand même un peu inquiétant pour la droite nationale supposée dissidente, c'est que pendant très longtemps, il y a une multiplication des candidatures trotskistes. C'était très bizarre. Et il se passe exactement la même chose, mais de l'autre côté maintenant. De l'autre côté du spectre, on a une explosion des... Des candidats souverainistes. Des candidats, ouais, des candidats souverainistes. Alors, tu sais que... Oh, il y en a toujours eu, hein. Ouais, enfin bon, là, on a t'as quand même Philippot, du Asselineau, du... Enfin, je veux dire, t'as quand même quelques... Du Pontaignan, enfin, il y a quelques chevaux quand même sur le créneau. Hein. Ouais, mais à l'époque, il y avait le... Enfin, comment il s'appelle, le Fada, là, De Villiers, il s'est présenté deux fois, hein, en 95 et en 2007. Hein. Oui. Ouais, encore, je pense que De Villiers, c'était pas que ça. Il y avait une substance vieille droite, quoi. Droite un peu légitimiste. Ouais. Il n'y a pas ça chez Dupont-Niagnon et Brasquino. Ah non, mais tout ça, c'est des républicains endurcis, ceux-là. Ouais. Et en plus de ça, je pense que ça en dit quand même beaucoup sur leur psychologie. Hein. Et ces gens-là, faut pas oublier que ce qu'ils ont en commun avec les trotskistes, c'est des tentatives ratées d'entrisme. Asselineau, n'oublions pas qu'il a gravité dans les cabinets pendant je ne sais combien de temps. Féliciotte, c'est pas que de l'entrisme, lui il a voulu entrer dans des gens. Ah non, il est passif, j'ai oublié. je savais plus qu'il était passif. Mais bon, je veux dire, il y a quand même une psychologie très particulière, hein. Philippot, voilà. c'est caricatural. Enfin bon, on va pas parler de lui, mais je veux dire, il n'existe plus, quoi. C'est juste que par la grâce des médias qu'il invite encore de temps en temps. Mais enfin, le. Il y a une journée des patriotes et il est en extase parce que effectivement, il a quand même du soutien, quoi. Donc, il arrive à réunir des gens dans un village et il est extatique. Il est fini, hein. Il n'aura jamais ses signatures. C'est terminé. Il a pas une fanatique. Il a pas l'air d'avoir compris, hein. Ouais, il a pas compris. Alors, reste à savoir ce qui arrivera à l'autre chapon d'Asselineau aussi. Oui, je pense que ça doit lui redonner un peu d'espoir. L'amateur de jeunes orientaux. Oui. Lui aussi, peut-être qu'il va dégager. Des jeunes chiens en feu. Enfin bon, ça. En tout cas, on a un nouveau. Bon, le communisme vert, quoi, voilà, c'est. Les métropoles vertes. Ouais. Les métropoles écolo-communistes. Alors, par contre, moi, si vraiment vous avez des compétences un peu techniques dans l'énergie ou dans le bâtiment, foncez. Parce que là, il va y avoir des crédits pour faire des travaux. Ouais. À la con, les écolos n'y connaissent rien. Enfin, je suis désolé de le dire, on va dire ici des clichés. Les écologistes n'y connaissent rien. Moi, je suis des comptes d'élus écologistes. Ça t'annonce des jardins urbains à 200 kg qui produisent 200 kg de légumes par semaine. Enfin, des trucs totalement délirants ou des projets d'énergie totalement dantesques. Ces gens n'y connaissent rien. Donc, quand vous allez leur présenter des devis, allez-y. Vous allez peut-être vous faire un peu de pognon sur le dos de la République, sur le dos des impôts. Vous en récupérez peut-être un petit peu. Bah, tous ceux qui bossent aussi dans l'isolation, ils vont faire du pognon. Hein. Encore une fois, tu vois, le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? Moi, je veux bien, tu vois, construire sainement, avec des bons artisans, des bons matériaux. Je suis totalement d'accord. Même pour faire des pistes cyclables, tu vois, moi, je suis en partie d'accord, si elles sont bien faites. Mais le problème, c'est que... Il faut voir comment tout ça est fait dans... Il faut voir comment les appels d'offres sont faits, en fait. Et par qui? Parce que si c'est pour faire venir des travailleurs détachés... et encore, hein, les travailleurs détachés européens sont loin d'être mauvais. C'est pour faire bosser la boîte à Mouloud, parce que son cousin est dans le conseil municipal et que lui-même va sous-traiter à des Marocains pour monter des fenêtres écologiques, mais avec un jour de 3 mm, ce qui ne sert à rien, et ce qui est le cas dans l'architecture moderne. On a des bons matériaux, globalement, enfin d'un point de vue énergétique, mais monter n'importe comment. bah, ça servira à rien. Et tu vois, ça va être ça, l'écologie. Et l'écologie moderne, ça va être des gens du tertiaire qui vont faire venir des immigrés pour faire des projets supposément écologiques et qui ne le seront pas du tout. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ? Non ? Très bien. Bah, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine, les gars. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.